Salut à toi, auditrice, auditeur de Radio Gamozo. Nous sommes en direct en ce jeudi 22 août, 15h01. Aujourd'hui, maintenant, nous allons vous proposer une émission musicale avec deux artistes ici présents. En tout cas, il y en a un, l'autre va arriver dans quelques instants. Je dis ou pas que c'est le moment club. En tout cas, déjà présent en face de moi, il y a Grégory Paradisi. Salut Greg. Salut Mika. Et on est content de te recevoir ici puisque la dernière fois, c'était l'hiver déjà. Donc forcément, le temps était moins agréable, moins clément. Ouais. Et puis, surtout, tu nous avais promis que la prochaine fois que tu reviendrais, ça serait avec un nouvel opus. Album. Alors on dit un EP parce que ouais c'est ça. Un LP c'est un album complet. Ouais. Alors qu'un EP c'est quelques titres. Il y a 6 titres sur c'est ça. Le CD que tu proposes. Il s'intitule Retrouver l'essentiel comme le nom de la première chanson. Oui. Qui ouvre. Moi j'ai envie de dire cet album quoi qu'il en soit. Oui, c'est bien, on dit un album, un EP. Enfin, les gens, il y a beaucoup de gens qui disent c'est quoi un EP, ils savent pas. Alors on dit un album, mais c'est pour pas qu'ils soient déçus qu'on dit un EP. Des fois, on a peur de dire album et puis ils retournent l'album, ils voient qu'il y a 6 titres, ils disent, oh, ils sont un peu déçus. Alors on n'ose pas, on dit un EP des fois. Et, voilà. Certaines de ces chansons, pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de l'avoir chez eux, ils ont pu les entendre, c'était lors de concerts que tu as proposé, comme d'habitude, hein, assez fréquemment. D'ailleurs, on va en profiter pour donner des dates, puisque l'actu, je le disais, on est en direct jeudi 22 août. Ben, l'actu, c'est dès ce soir. Alors, pour un concert de Sorbet Citron, hein, c'est ton deuxième, j'allais dire, c'est ton groupe, plutôt, ou ton duo. C'est notre duo avec Eve Petri, tout à fait, ouais. Ouais. Et vous jouerez où ce soir? Jérômoise, Gérardmer. C'est à quelle heure? 20h. Et puis, tu joueras le temps que j'y suis, cette fois pour, j'allais dire, promouvoir cet album Retrouver l'essentiel, en tout cas en tant qu'artiste solo. Ça sera demain, vendredi 23 août. À l'heure du temps, à Gérardmer, toujours. Et ça sera à quelle heure cette fois-ci? 19h. À partir de 19h. Et puis, si vous n'avez pas retenu les dates et horaires, ne vous inquiétez pas, on vous les récapitulera tout à l'heure, même certainement durant l'émission, on les dira. Et puis, vous pouvez aller sur Internet. Alors, vous tapez Grégory Paradisi et vous tombez déjà sur le site sur wordpress.com. C'est en première proposition, donc on risque pas de se tromper. Et il y a la page Facebook aussi, où tout est mis régulièrement, toutes les infos nécessaires. Alors, on accueille un autre artiste, que pareil, hein, la dernière fois qu'il est venu, c'était il y a un an, c'était au mois d'août, pareil que là, et c'était... d'ailleurs, Greg, là aussi c'est rigolo, hein, parce que toi t'étais venu avec le groupe, enfin le duo Sorbet Citron, et Dany était venu aussi avec... Enfin, c'est pas un duo, c'est le groupe Les Salopettes Acoustiques, mais là, en l'occurrence, c'était avec... On était en formule duo, ouais. Salut Dany. Salut Mika. Et ce qu'il y a de sympa, en tout cas, c'est que vous allez voir que ces deux lascars, vous pourrez les retrouver. On a déjà dit Greg à Gérardmer. Et toi aussi, Dany, en ce moment, tu es en tournée vosgienne, puisque tu es, toi, de Metz. Hein. Oui, oui. Et là, on a la chance de t'avoir dans les Vosges. Et donc, il y a un an, voilà, c'était pour les Salopettes Acoustiques. Cette fois, c'est en solo que tu reviens. Oui, oui. Tu étais hier à la Bresse, il y en a qui ont pu te voir. Ouais, c'est ça au marché. Et puis ce soir, alors à Gérardmer, je le disais, au camping des Myrtilles. Non, en fait non, j'y joue pas. Non, on la fait pas finalement la date. Ouais, voilà, j'aurais dû demander avant. Ouais, non, on la fait pas. Alors ça sera demain, par contre, que tu joueras. Ouais, c'est ça, c'est au Neptune. Et c'est rigolo puisque vous serez à 500 mètres l'un de l'autre. On sera simultanément en stéréo. 500 mètres environ. Ah, c'est ça, parce que Boulevard Kelch, toi, l'heure du temps, c'est Boulevard Kelch. Ouais. Et Dany, lui, c'est tout au bout, finalement, de l'autre côté, en face du casino, au bord du lac. Et il y aura peut-être moyen d'aller voir les deux concerts. Enfin, ça fera juste que toi, tu disais, c'est... Moi, je commence à 18h, donc c'est vrai qu'ils peuvent regarder mon premier set. jusqu'à 19 courir après, au deuxième et courir au deuxième. Ouais. Bon, la différence c'est que pour aller voir Dany, vous pouvez juste boire un verre, alors que pour venir me voir, faut payer un repas, quoi. Ouais, mais faut dire que même si on n'arrive pas tout de suite à ton concert, Greg, c'est pas grave parce que bon, toi, tes concerts ils durent des heures et des heures. Oui, 3 heures. Quoi. Alors voilà, bah vous pouvez rester 1h30 chez Dany ou 2 heures. Ah, je suis pas sympa parce que du coup les gens, tu vas croire qu'ils ne seront pas là, mais ils viendront après. Ils viendront un peu plus tard. Oui, et moi ce qu'on m'a dit c'est que c'est fini à 20h, donc ouais. Ah oui, d'accord. Au Neptune, 18 ouais. à 20h, Dany Desrues ce vendredi 23 août, et puis il vient aussi, tout comme Grégory, avec un nouveau CD, ça s'appelle La Douleur des Baies, et ben j'allais dire c'est plutôt sympa. Je sais pas ce que j'ai pas eu l'occasion d'écouter. Je l'avais pas encore, j'avais pas eu la possibilité. Oui, hein, bah oui, bah il y a juste un titre qu'on peut écouter, notamment sur ta chaîne YouTube. Oui, parce qu'il est clippé, ouais. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, hein, pour ceux qui avaient écouté l'émission il y a un an avec les Salopettes acoustiques et Tony Fomblard, ah ben, ouais. On le voit dans le clip. Oui, parfois. Oui. Parfois du titre d'ailleurs il est au milieu presque de cet album La Douleur des Baies. Oui. Et peut-être qu'on pourrait démarrer cette émission avec ce titre là. Vas-y. Peut-être ou peut-être pas. Faut savoir. Oui. Parfois Dany Desrues. C'est maintenant sur Radio Gémozo. On s'angoisse, on suffoque, coincé dans la spirale. Au bord de la syncope, bérésina générale. On ignore, on s'en moque, on finit par accepter la normale. Les pieds dans les starting blocks, absurdité viscérale. Que l'on m'envie si je m'enfuis plus haut que l'indécente infamie du paradis superficiel. Retrouver l'essentiel. Arrêter le temps. Chasser le naturel. Elle vivra contre courant. Retrouver l'essentiel. Caresser le temps. Respirer le printemps. Et contempler le ciel. Retrouver l'essentiel. Dérive en silence, c'est face à l'écran qu'on s'étale. Et de toute évidence, noyé sous le flot lacrymal. On nous fait croire en la chance, envoûté par l'argument commercial. Payer les conséquences de l'addiction subliminale. Que l'on m'élève infiniment au-delà des voies du néant. Sous une pluie de décibels. Retrouver l'essentiel. Enfin prendre le temps. Penser tu es si belle. Mais te le dire plus souvent. Retrouver l'essentiel. Tant qu'il est encore temps. On ne fait plus semblant. Dans cette vie parallèle. Retrouver l'essentiel. L'essentiel. Vous Vous écoutez Radio Gémozo, c'était Grégory Paradisi avec Retrouver l'essentiel. Ce n'était donc pas Danny Déru avec le morceau Parfois. Mais non, mais non. Mais vous l'entendrez en quelques instants, bien évidemment. Bah, on en profite. Alors, du coup, finalement, c'est un titre qui parle bien, je trouve, pour vos parcours respectifs. Danny, qu'est-ce que t'en dis ? Retrouver l'essentiel, c'est aussi ce que tu recherches, toi ? Retrouver l'essentiel, c'est on passe notre vie à le définir. Donc, si tu veux, c'est le je veux bien qu'on le retrouve. C'est une phrase de Hermann Hesse, un mec qui a le même nom que moi, qui dit il n'est pas de chemin plus difficile pour l'homme que celui qui mène à lui-même. Et c'est dans le sens où t'as raison. Et où Chopin, tiens, si je vais citer Frédéric Chopin, qui disait en gros, enfin, on réduit la phrase parce que c'est pas exactement ça qu'il a dit, mais que la simplicité, c'est ce qui vient en dernier. Dans le sens où tu vas en mettre partout des caisses pendant peut-être ta vie ou longtemps pour arriver à trouver la simplicité qui doit être dans le truc que tu présentes, mais qui doit venir en dernier lieu, quoi, dans la complexité que tu des fois des chansons, des choses qu'on va écrire qui semblent simples ont nécessité une recherche et une haute définition pendant longtemps, quoi, pour aller au plus simple. Je veux dire, il y a les grandes chansons de Bob Dylan. J'entendais ce matin Charles Ely sur France Inter qui parlait de Knocking on Heaven's Door, quoi. C'était une chanson absolue. Je sais que Bob Dylan, il disait qu'il lui arrivait 10 fois, quand il avait 20 ans, en l'occurrence, une dizaine de fois, où il avait l'impression d'avoir écrit Au clair de la lune. C'était un truc tellement évident, une chanson dont lui-même était fan. Et où il avait le truc dedans, quoi. Et là oui, il est à l'essentiel, il est à la subtilité. En l'occurrence, il avait la grâce quand il était gamin, Bob Dylan, quoi. Ce que tu dis, ça amène aussi aux arrangements des morceaux, puisque souvent il y a des morceaux, des chansons qui sont surarrangées avec beaucoup de couches d'instruments, etc. Et on s'aperçoit quand ils sont joués acoustiques, c'est là, quand ils sont à l'os, souvent c'est là qu'ils sont les plus époignants et qui vont toucher. Alors là, je dis ça, c'est pas trop sympa, parce que quand on arrange beaucoup les morceaux, ça c'est un peu le cas pour toi, Greg, cette fois-ci, pour cet album, Retrouver l'essentiel, hein. Ben, il y a un peu de tout. Ouais, enfin, j'aime bien faire vraiment des choses différentes sur un album. Donc, il y a des choses très épurées, hein. Il y a une chanson, c'est guitare chant, hein. Et puis, il y a celle-là, Retrouver l'essentiel, qui est beaucoup plus arrangée. Mais c'est quand même plus arrangé qu'à l'accoutumée, étant donné que cette fois-ci, tu es allé enregistrer dans un studio professionnel, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ben oui, puis surtout avec des bons musiciens, quoi. J'ai pas fait ça tout seul. Et Danny, pour ton dernier album que j'ai dans la main, La douleur des baies, qu'en est-il ? Toi, jusqu'à présent, c'était aussi assez acoustique ? Ah oui, c'est toujours... je dirais que sur l'album, et en principe, un Danny Déru solo, donc je parle pas des Salopettes, mais je parle d'un Danny Déru solo, il y a à peu près 6 chansons sur un 12 titres, il va y en avoir la moitié qui vont être en guitare-voix, et l'autre moitié qui va être orchestrée, parce que il s'agit aussi quand on démarche parce que il se trouve que je joue quand même pas mal, je joue tout le temps seul. Les Danny Déru met au chaud, je suis tout le temps tout seul. Et donc du coup, il s'agit de pas trahir quand on va jouer devant les gens, il s'agit de refléter ce qu'on présente sur l'album. Alors là, c'est le parti pris de laisser la chanson guitare voix et aussi l'orchestration, c'est que je pense à, quand on pense à l'essentiel, on pense à, je me rappelle de Souchon, ce qu'il disait quand il avait fait Full Sentimental, où il était venu avec ses 4 accords, si tu veux, poser la maquette, et il est revenu une semaine après et on lui avait fait une orchestration, il est tombé à la renverse de ce que donne le titre, qui ne trahit pas le truc d'origine. Ça, il fallait rester sur cette pureté des 4 accords à la guitare pour à faire. Moi, ça me fait penser à Tom Petty, Learning to Fly, par exemple, aussi, qui est dans la même veine avec des guitares extrêmement dominantes. Aussi, t'as l'essentiel. Tiens, je reste encore là-dessus parce que je prends les groupes de rock, par exemple. Tu vois, le lot des groupes de rock, ça va être d'être le groupe qui va sortir, c'est celui qui va pondre le riff de l'année. depuis Satisfaction des Stones, les Cranberries avec Zombie, ou Smells Like Teen Spirit de Nirvana, Smoke on the Water de Deep Purple et ou Money for Nothing d'Air Straits, le dernier, je sais pas, Seven Nation Army des White Stripes. C'est quand tu prends pour un groupe de rock, quand tu ponds un riff du style, bah c'est bon, c'est ton ouverture, ça te paye le bus, quoi. C'est-à-dire tu pars en tournée, etc. Et une chanson, ce qu'on cherche dans une, par exemple l'équivalent dans la chanson et pas dans là c'est pas le rock, ça va être le gimmick. Le gimmick, c'est par exemple le Lou Reed qui fait le tour du monde avec le toop toop toop toop toop toop, tu vois, de Walk on White Side, ou quelques années après Tracy Chapman avec son don, tu vois, noin noin noin noin noin noin noin noin noin, tu vois, ou un Raphaël avec le sur la route ta-la. C'est d'ailleurs le truc tout con où on va tous se dire oh merde, mais c'est tellement con, j'aurais dû le faire. C'est pour le coup l'essentiel, il est là, quoi. C'est-à-dire il est la poupée qui fait non de Polnareff, tous ces titres-là. Mais chaque année dans la chanson, comme dans le rock, il y a un artiste qui va émerger comme un Vianney avec T'étais pas là, mais t'es où, il a trouvé un espèce de truc très gimmick, comme un riff dans le rock, quoi, et qui, pour le coup, oui, il est allé à l'essentiel, quoi. Mais là, bon, ça amène à un sujet qu'on va peut-être pas développer maintenant, parce que ça serait peut-être après un peu trop casse-tête. Mais le gimmick, comme tu dis, c'est ce qui se retient. Mais ce qui se retient ne fait pas pour autant une bonne chanson. Non, après, qu'est-ce qu'une bonne chanson ? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est un tout. Moi, je sais que, tu vois, sur un album, il va y avoir une chanson qui va rester dans ma setlist. Et tant que je l'ai pas, l'album va pas sortir. Il y a une chanson, il faut que je sois le titre parfois, en l'occurrence que tu connais de YouTube. Il y a un gimmick dedans, on va dire, il y a le sifflet, le qui fait les thèmes entre les trois couplets, quoi. À propos de sifflet, je vais te couper le sifflet. Retiens, tu diras tout à l'heure, on écoute parfois tout de suite parce que sinon je vais encore me tromper. Mais fais-le. Parce que il faut qu'il passe ce titre depuis tout à l'heure, c'est le titre maudit. Ça va, je me suis pas trompé, c'est bien Danny Desrues avec Parfois. Voilà, c'est ça. Il était une fois un garçon qui s'ennuyait dans sa campagne, toujours obnubilé par son envie de trouver une compagne. Il la voulait belle comme l'été, avec la douceur du plein temps, dans une toute musique qui était comme pour se réchauffer le vent. C'était la même fois une fille qui dépensait tout son pognon. Les agences vous promettent une vie pleine d'amour, un vrai compagnon. Et il lui donnerait des ailes pour aller décrocher les cimes. Un simple regard fusionnel, celui qui restaure les abîmes. Parfois ils vont se rencontrer, et parfois non, la vie c'est ça. Il n'est pas de fatalité, l'histoire n'est pas souvent un choix. Si certains se trouvent bien pourtant, vécurent heureux beaucoup d'enfants, d'autres ne croiseront personne dans ce champ où les fleurs bourgeonnent. Danny Desrues avec ce morceau qui s'appelle Parfois, et c'est issu de l'album La Douleur des Baies, le dernier en date de Danny Desrues. Il est là avec nous dans ce studio, il y a aussi Grégory Paradisi. Et alors vous allez découvrir leurs deux derniers CD, et puis on reparlera des dates de concert. Quand je disais le dernier album de Danny Desrues, alors on en est au combien-tième, là je compte plus Danny. Ça fait 25 références si tu veux, voilà. 25 références, ouais. En plus de 30 ans maintenant. Ben, 30 ans pile poil, parce que j'ai sorti ma toute première cassette en août de 89. Une donc quoi? C'est une cassette. Oui, voilà, t'as bien raison. Mais fais pas le malin, parce qu'on va dire CD dans très peu de temps, de la même manière, et ça nous rend bien tristes, tout ça. Ouais, ouais. Voilà. Petit jeune qui nous écoute, tu te demandes ce qu'est une cassette à sur Internet. C'est parce que tu n'as pas connu le millénaire précédent et on t'emmerde. Mais voilà. Dany, moi je vais te dire un truc. Il y a quelque chose qui me gêne. C'est qu'à chaque fois, on parle de Dany, 30 ans de Dany des rues. Sauf que c'est pas vrai, puisque t'as commencé 5 ans avant musique, en 83. Ah oui, mais tu parles des Matchies. Ah bah, ouais. C'est pas rien, c'était quand même dans la musique. Ouais, non, moi je parle de Dany des rues, là. Tu parles ouais, de Dany des rues. Mais moi je veux quand même parler. Oh, alors, oui, on va dire Daniel S, hein, puisque tout ouais, à l'heure. Ouais, comme dit, chanteur de rue, comme chanteur de rue, c'était en décembre 88, on va dire. Toi, t'as commencé, donc on va quand même en arriver au. Enfin, on arrivait. Ouais, c'était une sorte de compte à rebours, mais on a parlé d'actualité. On va encore le faire. Mais les tout débuts, alors de Daniel S qui commence la musique. Ça s'est passé de quelle façon ? Oui, j'écris mes premières chansons donc en juillet 83. Si tu pars par là, effectivement. 13 ans. T'avais 13 ouais, ans. Ouais, j'avais 13 ans et j'écrivais des. Je découvrais deux albums qui étaient un de Renaud, qui est le retour de Gérard Lambert et Téléphone d'Ur Limite. Et c'est un traumatisme absolu, les deux albums. Enfin, j'écoutais ça tout le temps. Et du coup, j'ai voulu mixer les deux. J'ai voulu écrire à la Renault et composer à la Téléphone. Même si je fais peut-être l'inverse, dans les faits. J'en sais rien. Et voilà. Bon, donc, oui, j'ai commencé à écrire à l'époque, là, en juillet 83, pour monter les Matchies, donc en 85. Et bon, il y a 2 ans, si on compte les concerts, il y a 2 ans d'existence, quoi, des Matchies. Pour le coup, c'était pas acoustique, là. Non, c'était du punk rock, donc. non. Et ça t'a aidé par la suite, c'est le fait de faire partie d'un groupe dans ton parcours solo. Écoute, je crois pas trop, parce que justement, j'étais pas. Je voyais pas de gens, je vivais dans un village en dehors du monde et j'avais pas par exemple de gens qui te font évoluer, l'interactivité que j'ai eue tout de suite dans la rue. Parce que pour moi, à partir du moment où je suis arrivé dans les rues de Metz, où j'ai commencé à connaître le monde des artistes à Metz, etc., c'est là que les Matchies, c'était, dans les faits, c'était un concert par an, alors que Dany des rues, c'était tous les jours. Et donc, j'évoluais l'année 89 de façon fulgurante, quand même, quoi. Et je peux pas dire que les Matchies m'avaient vraiment aidé avant, quoi. Non. Où ça a influencé, en tout cas, notamment, tu en parles dans ta discographie, par exemple, dans « J'ai grandi en rêvant », c'est dans ce morceau que tu en parles ? Je parle peut-être de mon groupe, est-ce que je parle de... C'est le fantasme de ce groupe qui serait devenu célèbre ? Alors... J'ai fait un album qui parle vraiment des Matchies et qui parle d'un autre groupe qui s'appelait Zéro de Conduite, qui s'appelait Maquette Démo, l'album, qui est sorti en 2007. Et où là, oui, je fais le bilan des Matchies et de ces choses-là, quoi, du fantasme que j'avais d'une vie de groupe, quoi. Donc finalement, ça aussi, en ça, je dirais que le groupe a compté, puisque ensuite il t'aura inspiré un album concept. Oui. En plus, avec des sacrés participants dans cet album. J'avais Agathe, qui avait un tube dans les années 80, Je veux pas rentrer chez moi seul, qui m'a écrit un super titre d'ailleurs, qui s'appelle La place du retour. Qui m'avait écrit ce titre-là pour l'album, ouais, et puis Freddy Larocca qui chantait Embrasse-moi idiot avec Bill Baxter en 85. Oui, j'ai eu des featuring, oui. Tous des artistes qui ont fait des. Qui faisaient partie de mon adolescence, quoi, du coup. Ouais, qui faisaient partie de mon adolescence. Ça correspondait au thème. Ouais. Pardon. Oui, que je voulais aller vous voir sur le disque. Et ouais. Tout à l'heure, à comment on est dans les noms qui diront certainement quelque chose à ceux qui écoutent, tout à l'heure, tu l'as un petit peu cité. Charlélie Couture, alors moi je parlais de J'ai grandi en rêvant, hein, qui était donc l'album qui a suivi Maquette Démo, où il y avait deux titres, un format court, il est beaucoup plus tard, il y a 4 ou 5 albums entre les deux, je pense. Ouais. Et après, donc il y avait le morceau d'1 heure et quelques qu'on avait passé ici. Oui, je me souviens, oh là là, je me souviens. Après l'émission, hein, je me souviens, il y a, ouais. Et c'était Charlélie Couture qui avait fait la pochette du disque. C'est ça. Et Charlie Couture, on le retrouve à nouveau en collaboration avec toi pour la pochette de ton la couverture livre. Du bouquin. Ouais. Oui, le Buster Keaton. Plutôt, c'est ouais. Un livre. Hein. Le Buster Keaton, on l'évoquera tout à l'heure parce que c'est assez. Là aussi, on retrouve ta patte déjà, enfin ta patte déjà rien que dans le titre du livre, hein, jeu de mots, puisque Buster, c'est justement ce que tu es finalement, c'est musicien ambulant, c'est ça? C'est ça. C'est un musicien de rue, ouais. Puis le jeu de mots, tu l'as compris, Greg. Le Buster Keaton, ça fait penser à Buster Keaton, l'acteur américain du cinéma muet. Ah pardon. Et d'ailleurs, à propos, je vais en profiter pour citer un clip que vous pourrez aller voir, puisque tout à l'heure, la chanson Parfois de Dany, je disais qu'il y avait un clip qui l'illustrait. Donc vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. Et il y a un autre clip que je vous invite à aller voir, moi qui m'avait beaucoup plu. Et qui est aussi d'ailleurs ce titre-là illustré. Ça fait penser à Buster Keaton puisque c'est en noir et blanc et avec les textes pour remplacer les paroles. Tu vois de quel clip je veux te parler, Dany? C'était il y a 6 ans. C'était ce temps pour nous. Voilà, c'est donc ce clip-là où finalement, je sais pas si là aussi l'inspiration de l'amour pour les films noir et blanc et muet. Non, c'était la joke de mettre des phrases comme dans le cinéma muet. Oui, c'est vrai. C'était le, ouais. Et noir et blanc. Et puis, à la fin, la couleur. Et voilà. Parce qu'à la fin, ça se termine bien. Allez voir ce clip et vous comprendrez. Et vous comprendrez aussi que grâce à Dany Desrues, si jamais on s'achète un de ses CD, ah ben, c'est là qu'on peut pécho. Voilà. Tout simplement. Est-ce que, alors là, je sais, je vais être un peu brut, mais je tente quand même. Est-ce que tu pourrais nous la jouer en live? Tu veux ce temps pour nous, c'est ça? C'est une chanson qui a 6 ans, hein, on le disait. D'ailleurs, t'en avais fait plusieurs versions. Ouais. Et puisque c'était issu de l'album du même nom en 2003, puis tu l'as fait paraître l'année suivante sur une compilation. Ouais, parce que j'ai enregistré comme un cochon l'album ce temps pour nous. Et il y avait des titres que je trouvais sacrifiés et c'était triste et du coup je les ai réenregistrés avec des musiciens émérites dans un studio digne de ce nom. Dany est en direct du studio de Radio Gémozo, hein, puisque tout à l'heure on a écouté les extraits d'album, mais maintenant c'est du live. En fait, il paraît qu'il faut faire quelque chose de sa vie. Moi j'ai planté un arbre, mais des gens m'ont dit qu'ils allaient le raser pour faire une autoroute, mais je sais que c'est pas vrai, parce qu'avec un arbre, tu fais des crayons de couleur ou des guitares, mais pas des autoroutes. Je donnais à manger à tous, qu'elles aient toujours envie de nous. L'humanisme remplace les prisons et l'intelligent les canons. Rien n'appartienne à personne et que tout soit à tout le monde. La politique de l'aucun doute, un peu comme le code de la route. S'il y a un temps pour tout, on veut ce temps pour nous. Je veux que toujours se termine comme dans un camping paradis, que même le bard soit de la fête, qu'on fasse un film sur le velvet. Que les trous du luxe taisent, qu'ils marchent pieds nus sur la braise, la vie serait un festival, on trouverait ça normal, n'oraille mal. S'il y a un temps pour tout, on veut ce temps pour nous. Avant ça, faudra se méfier des dictats politiques corrects. Mes 60 ritries amoyées par des petits fâches ou trop honnêtes. Si chacun cherche à avancer en aidant celui d'à côté, y a pas de raison qu'on se plante, ni qu'assurance touriste ne chante. S'il y a un temps pour tout, on veut ce temps pour nous. Je dis temps pour nous, je veux dire temps pour vous. S'il y a un temps pour tout, on veut ce temps pour nous. Quand je dis temps pour nous, je veux veux dire tant pour nous. S'il y a un temps pour tout, on veut ce temps pour nous. Quand je dis tant pour nous, je veux dire tant pour vous. S'il y a un temps pour tout, on veut ce temps pour nous. Quand je dis tant pour nous, je veux dire tant pour vous. Il est interdit d'interdire. Nos désirs sont des ordres. Ma liberté étant la tienne, ma liberté étant la vôtre. S'il y a un temps pour tout. Merci, bravo Dany, voilà. Des rues dans le studio de Radio Gemozo. Et ce temps pour nous que je vous invite à aller écouter ce soir en concert, tu la joueras ou pas ? Enfin, demain plutôt ? Oui, c'est sûr. Demain, c'est vendredi sûr. 23 août, au bar Le Neptune à Gérardmer à 18h, de 18h à 20h. Dany Desrues, profitez-en puisqu'après, il repart en Moselle. Et vous ne le verrez plus avant l'an prochain. Oui, carrément. Alors, une fois par année, hein, Dany, passe par les Vosges et par le studio de Radio Gemozo. Et je parlais du clip de ce morceau que j'avais trouvé fort joli. Et le morceau et le clip en noir et blanc. Et ben, le clip, Grégory Paradisi, qui est là aussi. Toi, ben, j'ai l'impression que c'est un passage obligatoire maintenant pour vous, les artistes, les clips. Tu en as fait un. Comme c'est assez souvent le cas pour ce titre qu'on a entendu tout à l'heure, Retrouver l'essentiel, extrait de l'album du même nom. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire déjà sur le principe de faire un clip? Est-ce que c'est un passage obligatoire? Est-ce que toi tu le ressens comme ça? Et après nous dire comment s'est passé le tournage de Retrouver l'essentiel, puisqu'il y a pas mal de particularités. Le clip, oui, parce que on vend plus beaucoup d'albums, donc on fait des clips, quoi. La musique se consomme sur Internet maintenant beaucoup, donc un clip c'est vraiment ça maintenant, je pense qu'il faut faire, quoi. Voilà, j'ai fait ce clip en février. On a tourné ça sur une journée. J'avais préparé le scénario auparavant et on a tout tourné une journée. Avec un réalisateur qui s'appelle Yann Guénaud, qui est de Xonrue, et voilà, qui travaille sur Arte à Strasbourg, et il fait ça en plus à côté. Et donc voilà, on a tourné tout ça, des scènes aux environs de Gérardmer, et puis au grattoir aussi. L'autre salle de spectacle, pas loin de l'Or du Temps, où tu joueras demain vendredi 23 août. En face. À 20h. C'est en face. À 19h. Ouais, tout à fait, c'est juste en face. Voilà, donc on a bouclé ça dans la journée. Sympa la scène du concert, là. T'avais fait venir tout le monde pour... Ouais. C'était pas un concert exprès, je suis... Non, j'ai essayé de faire venir quelques figurants pour jouer les spectateurs. J'ai réussi à trouver 10 ou 15 personnes... très difficilement, et voilà, ils ont joué le jeu, et voilà, avec la caméra on a réussi à faire un petit effet de foule quand même. Voilà, on croit qu'il y a 300 personnes. J'aime bien la scène d'entrée, de début de chanson où tu cours, ouais. Tu cours, ouais. pour fuir le monde dans lequel on vit, quoi. C'est ça un peu l'image du début du clip. Là, t'as bien illustré tes paroles. Ouais. Ouais. C'est presque du mot. Oui. Pour mot. Oui, je sais pas trop faire autrement, en fait. Faire un truc complètement abstrait, j'arriverai pas. Donc, c'est un petit peu du mot pour mot, ouais, le clip. Ouais. Vous pouvez aller le voir sur la chaîne YouTube de Grégory Paradisi, puisque tout comme Dany Desrues, c'est simple. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Vous tapez le nom de chacun de ces deux artistes et vous tombez sur une foultitude de possibilités, des sites internet, des pages FB, des chaînes YouTube. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et puis en plus, pour en revenir à Dany, il a tellement à dire, le Dany, qu'il a plein de sites. C'est-à-dire que il a par exemple le site chez Jimdo. T'as aussi un site où tu partages. Alors ça, c'est intéressant. Ça serait bien que je retrouve l'adresse que j'ai notée quelque part, parce que on le trouve pas aussi facilement quand on tape Dany Desrues. C'est Dany vous recommande. Ouais, c'est alors ça. Alors ça, c'est super chouette. Voilà. Tu proposes plein de... C'est chez unblog.fr. Ouais, bah, rien qu'en tapant Danny vous recommande, on tombe dessus. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Et voilà, vous pourrez ensuite faire de jolies découvertes grâce à Danny. C'est coup de cœur. Tout, c'est là qu'on voit aussi, hein, alors je sais pas si ce sont des références, si ça te sert après dans l'écriture de chansons ou les spectacles, mais t'as beaucoup de... Tu aimes beaucoup de choses dans la culture, que ça soit des livres, des chansons, des artistes, des sculpteurs, des disques ou des films, des spectacles divers, ouais. Tout. Ouais, enfin, ouais. Tout oui, peut. Oui. Et ça te sert alors après ensuite ces coups de cœur, est-ce que tu t'en inspires quelque part? Écoute, ce qui me sert, c'est de d'écrire maintenant ailleurs que dans mes disques, c'est-à-dire il fut un temps où, si tu veux, tout ce que j'écrivais, c'était sur un disque. Donc il se trouve qu'il y avait des textes qui étaient plutôt des textes pour à lire, j'ai envie de dire, je crois, qui se retrouvaient sur mes disques parce que c'était le seul endroit où ils étaient où ils pouvaient être exprimés, quoi. Alors que maintenant que j'ai des blogs, tous ces textes, je canalise là-dedans. Et donc du coup les chansons bah ça va être justement plus des aspects exclusivement chansons, quoi. Parce que toi, voilà. T'as avant tout le besoin de t'exprimer, le besoin d'écrire. Ouais, mais j'écris tout le temps. Ouais, j'écris tout le temps et je publie. Ouais, il se trouve que je publie. Il y a pas d'obligation dans le fait publier. Mais c'est aussi ça rappelle la rue dans la démarche. C'est-à-dire, quand tu joues dans la rue, t'es pas dans une démarche de concert avec une obligation de résultat. C'est-à-dire, dans un concert, il y a un employeur, il y a des gens qui ont éventuellement payé une entrée ou des choses comme ça. Et donc, il y a une obligation de résultat quand même alors que dans la rue, non. On s'en fout, hein. Vraiment, tu fais ce que tu veux. Et sur mes blogs, c'est pareil. Il y a à peu près la même liberté, du coup. C'est une écriture libre. Nous allons en revenir à la rue avec Danny, puisque vous l'avez compris maintenant, hein, c'est vrai que ça n'avait pas été explicité de ma part, mais Danny a fait quelques clins d'œil, et puis vous avez l'explication dans son nom. Bien sûr, tu joues dans des salles, tu joues dans différents lieux qui accueillent des spectacles, ou dans des festivals. Tu étais il y a un mois au Francofolie de Spa, ouais, en Belgique. Ouais. Mais ton terrain de jeu de prédilection, c'est la rue. On va en parler juste avant ça, Greg. Les débuts de Danny, il nous les a expliqués. Et toi, alors, tes débuts avec la musique, une rencontre avec la guitare? Ben oui, à 14 ans, un copain de classe qui faisait un peu de guitare. Je voulais faire comme lui. Et mes parents ont eu la bonne idée de me faire prendre des cours parce que tout seul, ça n'aurait pas donné grand-chose. Et puis, il se trouve que voilà, ça a pris, quoi. La passion tout de suite, et l'envie de faire de la scène, et voilà, c'est devenu très très vite quelque chose, enfin vraiment une passion. De là en faire mon métier, je ne pensais pas, enfin j'espérais, hein, mais je ne pensais pas, et finalement c'est vraiment une chance que je puisse gagner ma vie. Mais il y a différents métiers dans le monde de la musique et différents points de vue. Et toi, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plus de 10 ans, bien tu as tenu un magasin de musique, je dis le, hein, parce qu'il y en avait qu'un à Gérardmer. Ah oui, oui. Et c'était une drôle d'entrée en matière. Enfin, en même temps, je dis drôle d'entrée en matière. En parallèle, tu jouais déjà tu proposais déjà des concerts dans les bars, entre autres. De plus en plus, si bien qu'à la fin, je fermais mon magasin trop souvent. Donc fallait arrêter, et puis bon, en plus c'était pas très rentable, donc voilà, le magasin m'a permis de rencontrer plein de gens, de commencer à jouer un peu partout, et voilà, il était temps de fermer le magasin et de me lancer vraiment en tant que artiste. Et de présenter Mon Petit Monde, c'était le premier EP, hein. C'était un 3 titres, oui. En 2008. Et puis ensuite, alors beaucoup beaucoup de concerts, hein. Vous verrez, si vous allez sur le site internet de Grégory Paradisi, vous verrez qu'il joue tout le temps dans différents, que ça soit des bars, des restaurants. T'as tes lieux attitrés? Beaucoup d'hôtels et restaurants, c'est vrai. Et puis souvent où on mange bien, en fait. Bah, souvent les mêmes, oui. En plus, hein. Ils font appel à toi fréquemment. Oui, oui, c'est des dates qui reviennent. Et donc, entre, bon, toujours des concerts, et puis en 2014, soit 6 ans après Mon Petit Monde, il y a eu l'album, j'ai envie de dire le seul album, parce que là ce que tu enfin oui. Là c'est un 6 titres hein, le dernier, bon là Le Parfum des Souvenirs c'était un 11 titres je crois, 10 enfin, en tout cas c'était ce qu'on appelle un album, même si oui. Je trouve ça un peu idiot qu'on décide enfin par rapport aux appellations, alors 8 titres je crois que c'est encore un EP et puis 10 titres c'est un bon bref ouais, ouais. Peu c'est importe pas, c'est pas important. Et Le Parfum des Souvenirs, ce qu'il y a de enfin, de pas mal, on l'avait évoqué hein, à l'époque. Il y a eu, en tout cas, je dis pas mal, après c'est au goût de chacun, mais il y a une mélancolie, une nostalgie. Et puis, il y a aussi un certain romantisme, d'ailleurs qu'on retrouve tout le temps, hein, encore dans les nouvelles chansons. Mmh. Ouais. Bon, ouais, romantisme, je sais pas, mais oui, mélancolie, ça c'est sûr, nostalgie. Mais beaucoup, enfin, c'est vrai que sur cet album, Le Parfum des Souvenirs, c'était vraiment sur. Oh, Greg, il y a du romantisme, l'encre qui sent la vanille, là. Ah oui, rose, bah oui, rose. Bien sûr, oui, tout à fait. Mais moins maintenant sur ce, oui, mais sur celui-là, sur Le Parfum des Souvenirs, oui, c'était vraiment nostalgique, mélancolique, un peu de romantisme, effectivement, ouais. Et sur le dernier en date, Retrouver l'essentiel, il y a un morceau qu'il y avait sur le parfum des souvenirs, sur ton album. Et ça rejoint notre sujet, notre entrée en matière sur l'arrangement, les arrangements, les réarrangements des morceaux. Tu as fait une nouvelle version de La Fin de l'automne. Oui. N'est-il voilà. pas J'avais, sur le parfum des souvenirs, la fin de l'automne, c'était piano-chant. Et là, voilà, c'est joué avec des musiciens, mais c'est très, très, très, très épuré pour donner une ambiance vraiment... je sais pas comment dire. Hein, qu'est-ce que t'en dis, toi? Ben, moi, je vais rien en dire, les gens vont écouter, ils seront leur propre idée, comme ça, on parle pas pour eux. Ok. Qu'est-ce que t'en dis? C'est parti. Alors, est-ce que ça va être du Danny Derue? Quand je propose du Danny Derue, c'est du Grégory Paradisi, et quand je repose du Grégory Paradisi. Le soleil ne prend plus la brume, elle qui s'étend à l'infini. Sur les toits, les cheminées fument, les rivières ont quitté leur lit. On a déserté les jardins, cueilli les toutes dernières pommes. On n'aperçoit plus ses voisins, on ne rencontre plus personne. Ça sent la fin de l'automne. Novembre s'efface, enfoui sous son épais tapis de feuilles brunes. Décembre sous son manteau de glace se glisse un soir de clair de lune. Café du coin, y a les anciens du village qui marmonnent autour d'un bon petit verre de vin que l'hiver sera monotone. Ça sent la fin de l'automne. Et moi j'aime bien les fins d'automne quand tu rallumes le premier feu. Quand de ton souffle délicat tu déclenches une pluie d'étincelles. Et moi j'aime bien les fins d'automne, notre bulle enrobée de miel, quand dans le tourbillon des saisons, on se perd un peu tous les deux. Le soleil s'élève à peine plus haut que le sommet des montagnes. Le froid déferle sur les plaines, le gel a blanchi les campagnes. Tempête, on entend le vent qui s'engouffre et fredonne que le bel éclat de printemps ne renaît que si l'on frissonne. C'est la toute fin de l'automne. Et moi j'aime bien les fins d'automne quand tu m'embrasses au coin du feu. Quand de ton baiser délicat tu me couvres d'un torrent d'amour. Et moi j'aime bien les fins d'automne, une parenthèse, un détour, à l'abri du tourment des saisons, on se retrouve enfin tous les deux. C'est ça la fin de l'automne. La fin de l'automne. « Fin de l'automne, Grégory Paradisi, extrait de son CD qui s'appelle Retrouver l'essentiel. Et c'est un morceau que vous connaissiez déjà, mais sous une autre forme, dans son album précédent, Le Parfum des Souvenirs. Greg est là, dans le studio de Radio Gémozo, et il a sa guitare sur lui, ne vous inquiétez pas. Le prochain morceau, promis, ce sera en direct. Mais c'était bien aussi d'écouter ce morceau arrangé, pour le coup. Du coup, c'est une ambiance très jazzy, quoi. Ouais, je pense qu'on peut dire ça, quoi, c'est jazzy. Ça aurait pas pu être produit maintenant. Il manquait quelques instruments et quelques musiciens. Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Il y a aussi Dany Desrues qui est là dans le studio de Radio Gémozo. Et bien, vous pourrez les voir hein, en concert. Alors, Greg, ça sera dès ce soir, hein, ce jeudi 22 août. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une rediffusion. Donc, ça, si vous vous pointez ce soir à la Jérômoise, il n'y a pas de souci, vous tomberez bien sur Greg avec ce... la charmante Ève qui représente le duo Sorbet Citron avec toi. Ça y est, j'ai encore oublié l'heure à la Jérômoise. Bah, 20h. 20h. À partir de 20h jusqu'à pou. Non, 22h30, c'est bouclé, hein. Ah oui, mais c'est Grégory Paradisi, c'est plus long en solo qu'à deux. Non, ça dépend. Ça dépend. Non, mais 22h30, 23h, quoi. Grosso modo. Et alors le duo Sorbet Citron, c'est ce sont des reprises. Hein, vous avez pas des morceaux comme toi en solo. Moi, j'y joue. C'est bien parce que avec le duo, bah, je joue quand même un ou deux ou trois de mes morceaux. Et Eve fait les chœurs. D'ailleurs, c'est vraiment superbe, quoi. Elle fait les chœurs que moi je fais sur l'album. C'est elle qui les fait sur scène. C'est vraiment superbe. Ouais. Et Eve, elle a aussi fait les chœurs sur l'album Retrouver l'essentiel, sur le titre Ma petite école. Ouais. Mais on verra peut-être ça un peu plus tard. Et c'est un des titres que tu joues avec le duo Sorbet Citron, Ma petite école? De temps en temps, ouais. Et sinon, ce sont des reprises pop-rock internationales et françaises. Oui, un petit peu de français, beaucoup international. U2, Cranberries, voilà, des choses comme ça. Par rapport à toi, Dany, tout à l'heure, tu as cité quelques-uns des chanteurs, des artistes qui ont pu te faire aimer la musique, que ça soit Téléphone, hein, Renaud Bertignac, Aubert Bertignac, mais Renaud, ça fait aussi partie, mais des chanteurs qui t'ont inspiré, mais bon, en tout cas, il fait pas partie du groupe Téléphone, ça c'est sûr. Et Jean-Louis Aubert, c'est quand même fou, hein. C'est la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. C'est que tout à l'heure, je parlais de ton livre Le Busker qui tonne. Jean-Louis Aubert l'a lu. Et là, non seulement il l'a lu, mais en plus de ça, il a voulu le partager avec ceux qui le suivent sur Facebook, puisqu'il en a parlé. Et je vous invite à aller voir aussi, Dany, forcément, t'as mis la vidéo hein, sur ta chaîne YouTube, donc vous pouvez le voir et vous verrez. Non, Dany Desrues n'est pas un mytho, Jean-Louis Aubert parle de lui, et il a lu son livre et il en dit du bien. En gros, pour ceux qui n'iront pas le voir, ce qu'il dit... Bon alors, c'était apparemment dans le cadre d'un concert ou d'une prestation qu'il a donnée sur le réseau social, en tout cas quelques titres, parce que il expliquait qu'il avait le fantasme de retourner dans la rue, mais que c'était pas possible, et que lors de ses insomnies, il avait lu un livre d'un petit gars qui s'appelle Dany Desrues, où il expliquait donc son parcours de chanteur de rue. Et donc c'est excellent ça, Dany, quelle reconnaissance. C'est complètement dingue parce que figure-toi que le soir-là, j'ai une copine qui me dit de venir à un concert à Amnéville. Je dis non, il y a Hubert qui donne un concert live chez lui. Et du coup, je me dis je veux le voir parce que j'aime bien voir ses lives, ses lives en direct là le dimanche soir comme il aime bien faire. Et donc je regarde le live et j'étais avec une copine au téléphone et il se trouve que elle regardait, comme moi, elle regardait le même concert pendant qu'on se parlait. Tu sais, on écoutait d'une oreille le concert. Et à un moment donné, on se dit tout. Attends, Dan, Il vient de dire Danny Deru, là, je crois. Et, tu sais, on hallucine. C'est-à-dire, on est tous les deux. Moi, je me dis, mais oui, attends, il vient de me citer, là, j'y crois pas. C'est-à-dire, t'imagines, t'es en train de regarder le truc, tu n'y crois même pas, quoi. Et alors, je rembobine parce que le streaming ou le format Facebook nous permet de revenir directement en avant de quelques trucs, de quelques secondes et quelques minutes. Et je vois le truc et j'alerte la planète entière dans l'instant sur toutes les pages Facebook où on peut me trouver, de dire le Jean-Louis vient de causer de moi, alors vous baissez d'un ton et vous me respectez désormais. et donc voilà. Bah d'ailleurs, depuis, quand je vais faire venir Dany dans ce studio, je suis obligé de le payer. Maintenant, il n'y a plus. Ah ouais, puis pas moi. Et puis en plus, ah oui, mince, Greg, je t'ai pas payé, toi. Oh mince, c'est des privilèges. Ah, et puis en plus, t'as vu, Greg, il a sa cafetière avec lui. C'est ça. Il a des privilèges ici. Et moi, j'ai de l'eau. Ouais, bah voilà. Oui, non, j'ai vendu 4 bouquins le soir même. Il faudrait qu'il parle tous les jours de moi. Et puis bon, on en revient, le bouquin avec cette chouette couverture par Charles Lely. Alors là aussi, comme on est dans les noms qui vont forcément parler à nos auditeurs, qu'est-ce que tu pourrais dire sur la collaboration avec Charles Lely? Je le disais, ça va commencer avec une pochette d'album. C'est toi qui as demandé comment... Quand tu parlais des Matchies tout à l'heure et de ce que m'auraient apporté les Matchies, il se trouve qu'on était... on était 4, il y avait mon frère à la basse et moi, où on était des fils d'ouvriers, donc avec pas de culture artistique, on va dire. Mais on avait quand même des touches, mais qui nous encourageaient pas, qui étaient le... Donc il y avait Jérôme Schneider au clavier qui était le fils du contrebassiste de Charles Lely à l'époque du Pêcheur, des débuts de Charles Lely en Lorraine. Et il y avait Nathanaël Birban, le batteur, qui était le fils de Patrice Birban, qui était un auteur de chansons, qui avait été parrainé par Brassens. Des gens éminents, mais qui ne voyaient pas d'un bon oeil le fait de vouloir vivre de la musique, quoi. Qui disait, essaye de faire autre chose et fais ça à côté, enfin en dilettante, mais ne te lance pas là-dedans. Et donc Charles Lely a toujours été... C'est bien simple, depuis toujours, moi je lui écris et chaque fois il me répond des longues lettres bien précises sur ce que je lui demandais. Maintenant c'est par le biais d'email, quoi. On n'est plus au temps de la poste, vu les frais postaux. Et donc c'est quelqu'un que je connais depuis quasi toujours, avec toujours cette disponibilité là, quoi. Chaque fois que j'ai un problème, il y va de son conseil ou de son avis sur la situation, sur l'état des choses. Et puis c'est quelqu'un qui est très encourageant, quoi, pour les artistes aussi, qui est très donc c'est quelqu'un d'important à ce niveau là Et puis forcément que ça devait le botter de collaborer avec toi, parce que sinon il aurait refusé, puisque il en est pas à être obligé de travailler pour gagner sa vie, Charles Lely. Je veux dire, si ça, le projet ne lui plaisait pas, simplement il n'y entrerait pas. Alors il n'est pas si pérenne que ça, Charles Lely. C'est-à-dire il est du fait qu'il choisit une carrière qui n'est pas dans le commerce, tout simplement, et il a pas une carrière commerciale. Il se trouve qu'il a des pics tous les 7 ans où il a une bonne affaire qui tourne bien, mais le reste du temps ça marche beaucoup moins bien. Ça doit être sa moyenne, je dis 7 ans au hasard, mais ça doit être quelque chose comme ça. Le reste du temps c'est des albums qui marchent beaucoup moins bien, mais il continue à faire son bonhomme de chemin. Pareil pour la peinture, pareil pour la photo, tout ce qu'il fait. Enfin, c'est pas un de ces chanteurs qui est vraiment pérenne. Qui, quand tu dis, il a pas de soucis pour gagner sa vie, il connaît des hauts et des bas aussi, Charles Lely. Il se bat. Il est combatif. En tout cas, c'est un mec avec qui tu t'es bien retrouvé. Ouais, bah bien sûr. Ah oui, je l'adore. Ouais. Et finalement. On revoit, hein. Il y a, en tout cas, dans la Game of Zone, il y en a aussi beaucoup qui viennent de ces artistes lorrains. Des fois, alors je vais pas dire c'est une grande famille, forcément, tout le monde ne va pas forcément avoir du feeling avec tous, mais il y a beaucoup de collaborations entre eux. Mais, je dirais même certainement pas une grande famille. C'est-à-dire, on n'a pas ce qu'on a, par exemple, dans le reste de la France, où là, il y a les familles. Par contre, ce qu'il y a en Lorraine, c'est dans tout le Nord-Est. Et c'est d'ailleurs la réputation qu'ont les gens du Nord-Est, c'est que c'est des espèces d'ovnis, quoi. C'est-à-dire, on ne sait pas les classer, c'est des, on a Ange, on a Hubert Félix Thiéfaine, on a Jacques Higelin ou Alain Bachou, on a Charlélie Couture, qui sont des gens, inclassables et qui sont chaque fois des gens qui sont pas dans des chapelles. Il n'y a pas vraiment de chapelles. On a vu à un moment donné dans les, par exemple à Strasbourg dans les années 80 où il y avait de la chanson reggae comme ça, comme les Raft ou Cookie Dingler, qui ont du coup fait des succès et des trucs et qui ont eu des carrières comme ça un peu dans le registre d'une chanson reggae. Mais je prends des villes comme Marseille où il y a carrément une, il y a une couleur Marseille. Pareil à Toulouse par exemple, il y a une couleur Toulouse ou Rennes. Ça c'est des secteurs géographiques où il y a cette à la fois cette bande. Moi je me rappelle la mort de Nougaro à Toulouse où le soir il y a un concert sur leur place là-bas qu'il a chanté d'ailleurs la place je sais pas trop quoi là dans Toulouse il chante il en parle. Mais du coup t'as une quinzaine d'artistes mais que tout le monde connaît qui sont là le soir même de Gold à Image à Polynester enfin il y avait une quinzaine d'artistes qui chantaient là et disons que là on a une ville qui peut faire ça quoi. En Lorraine, on n'a pas comme ça des noms. On pourrait pas faire une émission de télé avec un plateau comme ça, quoi. Je tiens dans les mains toujours. Je l'ai pas lâché. Je fais l'émission avec la pochette de l'album de Danny Deru, la douleur des baies, dans une main et dans la main gauche. Ah, j'ai peur. Celle de Grégory Paradisi. Retrouver l'essentiel. Et ça serait bien maintenant, puisque tout à l'heure on a écouté Greg, d'écouter Danny. Alors Danny, qu'est-ce J'ai pas d'idée là. Est-ce que toi, t'as une chanson que tu voudrais faire écouter avant? Oui, avant alors je vais une chanson qui va pas du tout dans le sens de ce que t'as dit tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est une chanson qui ne marche pas du tout en piano, en guitare voix. Que c'est une vraie chanson de studio que Donc je joue jamais. Que je ne joue jamais ouais. Parce que elle est c'est une chanson de studio et qui s'appelle Danseur. Ça doit être la piste. C'est bon. La 7 ou 8. Alors non mais. C'est fou ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Encore il y a quelques mois quand j'avais reçu Johan Rich avec le groupe Beltuner, je cale un morceau et c'est celui-là que la personne demande. Alors là je l'avais pas encore calé mais j'avais dans les idées de sujet, j'ai failli vous relancer sur la scène et sur le côté mobile ou non. Est-ce que vous étiez des danseurs? Parce que j'avais repéré ce titre, c'était un enchaînement que je voulais faire. Du coup Dani, je sais pas de... On va écouter, on va voir de quel est le sujet. En tout cas, si c'est au sens premier ou pas, j'imagine. Enfin, on va voir. On écoute Danseur de Danny Deru, extrait de l'album La douleur des baies. Danny, c'est à toi. Un danseur me regarde mal. Un qui danse pour 50 balles me regarde gagner ma vie. Me signifie son mépris. Un danseur regarde de glace. Peut-être veut-il prendre ma place. Elle n'est pas bien grande pourtant. Toujours plus que ce maintenant. Danseur. Oh lec, regarde-moi celui-là. Danseur. Oh lec, regarde-moi ça. Danseur. Vraiment. C'est un spengler. Je ne dors pas de la nuit. Je lui souhaite de bien vivre. Je n'ai jamais pu comprendre ceux qui veulent passer devant. L'attitude qui crève la faim. De détester son voisin. Chercher à comprendre motif de condescendance, quand même pas ce qu'il produit, qui connaîtrait plébiscite. Un jour on s'est expliqué, ça ne pouvait plus durer. Je ne le pense pas méchant, alors ma main je lui tends. Tu sais, moi je suis pas sûr là, celui-là quand même, hein, il a l'air, bon, je sais pas, hein, mais oula, droit. Le danseur ne calcule pas, bel et bien côté de moi. Encore une fois du mépris, au moins m'impose modestie. Descendu par un danseur, me rappelle que je suis peu. Toujours une baffe dans la gueule, compliqué d'être bien heureux. Cette fois-là, j'ai bien envie. Il est dernier des soucis, ne peut plaire à tout le monde. Pour moi, il n'existe pas. La vie est trop courte pour ça. Je lui souhaite du bonheur ailleurs que dans la rancœur. Je crois, j'ai toujours dit lui, non, hein, c'est vraiment pas. J'ai toujours dit celui-là, c'est vraiment pas. Non, là. Oh les gars, oh. Dany Desrues, danseur, extrait de l'album La douleur des baies. Et alors pour le là, Dany, c'est un morceau qui j'ai envie de dire des pareils de. Oui, oui, carrément, carrément. C'est un ovni et donc du coup, je le joue pas en concert. J'étais content de qu'on le passe aujourd'hui, comme ça il existe quand même. Alors, ouais. Bah, ça serait bien que tu nous dises ce que t'as envie de dire sur le morceau. Parce que, en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, alors, je dois avouer, hein, c'est dommage qu'il n'y ait pas le livret pour lire les paroles. D'ailleurs, Greg, toi, t'as pu en mettre un là, sur Retrouver l'essentiel. Ouais. C'est vrai que, bon, ça a un coût, forcément. Ça n'a rien à voir. Moi, c'est un parti pris. C'est que je n'aime pas... Alors, la différence entre la chanson et la poésie, parce que les gens, ils disent, tel chanteur, c'est un poète, mais la différence entre la poésie et la chanson, c'est que la chanson, ça s'écoute et ça ne se lit pas. Et je comprends ce que tu veux dire, je comprends que tu as envie de lire. Moi, quand j'écris, par exemple, dans Le Moral à Zéro, une chanson qui a une vingtaine d'années, j'écris Gradé qui tient la barre, informer l'écouteur. Je sais pas comment tu écris, comment tu entends informer l'écouteur. Informer l'écouteur, tu peux écrire ça de plusieurs façons et y donner un sens différent. Et moi, je veux laisser l'auditeur libre de sa façon d'interpréter informer l'écouteur. Et donc je veux pas. C'est draconien de déposer le titre à la SACEM parce que je me retrouve à devoir l'écrire et je me retrouve, j'ai pas forcément envie qu'on puisse lire une chanson s'écoute. Et j'ai pas forcément, j'ai fait une fois ça, c'était dans Dany plante son arbre, où j'ai mis les textes, et je me souviens que je mettais entre parenthèses trois petits points souvent, pour charcuter un paragraphe, parce que je voulais pas qu'il se lise. Et, voilà. Donc, vois-tu, Mais voilà. C'est intéressant, justement, ce parti pris. Moi, j'avais souvent l'impression que les artistes locaux, quand ils ne mettaient pas les paroles, c'était qu'une question de coût. Oui, mais je pourrais les mettre sur les sites internet, les paroles. Ouais, hein. Je pourrais les mettre à disposition des gens sur internet, tout ça. J'ai pas envie de. Je fais pas ça. Te dire, moi, mon souci quand j'ai pas les paroles, c'est que bon, déjà, moi, j'ai un cerveau qui part dans tous les sens, donc j'ai du mal à être concentré. Du coup. Il y a des fois, je passe à côté de texte quand je les lis pas. Mais c'est pas plus mal que t'y retournes dans la chanson. Ce qui est bien aussi d'une chanson, c'est qu'on redécouvre des choses à chaque fois qu'on les écoute et que tu sois libre de la comprendre, de la percevoir avant de la comprendre. Tu sais, il y a des, nous qui écoutons des chansons anglo-saxonnes sans savoir de quoi ça parle. On est quand même dans cette ambiance-là et à découvrir des choses et Et je prends les chansons qu'on a aimées dans l'adolescence, qu'on réécoute 20 ans après, qu'on comprend des fois les choses comme C'est la Watt, tu prends de Caroline Loeb, de quoi ça parle, de tous les manières. C'est... Donc si tu veux, le truc c'est des sujets, après tu réécoutes ça adulte, tu te dis ah ouah la vache, ça causait de ça quoi. Et donc c'est des... Mais les chansons justement, ce qui est bien c'est de les redécouvrir chaque fois plutôt que d'avoir le truc binaire et tellement fashion de et d'époque de ce qui est perceptible immédiatement parce que tu perds le fil des trucs des gens qui vivent sur un téléphone et qui ont les choses immédiatement assez vulgaires finalement. Tu as dit le mot avec lequel j'adhère que je trouve juste ambiance. Finalement, une chanson, presque avant toute chose, c'est une ambiance, c'est comment on la ressent, les émotions qu'elle nous procure. Là, en l'occurrence, alors, en plus, moi, mon souci, c'est que je deviens à moitié sourd, du coup, et moi, comme je disais, je ne comprenais pas tous. Par contre, j'ai été un peu hypnotisé par cette basse. Ça faisait du bien, cette basse, et puis aussi la guitare qui est venue. Et alors, je vais dire, encore une fois, c'est une perception personnelle, mais qui va permettre le débat ensuite. J'ai pensé à un titre par rapport au sujet de le danseur. Moi, j'ai pensé au titre de Philippe Catherine et je monte le son et j'arrête le son. Ouais, il y a rien à voir avec ce titre-là. Il y a rien à voir. Mais dans l'idée, qu'est-ce que alors toi l'origine de ce morceau ? Alors le pourquoi j'ai pris le mot danseur parce que je cherchais un le mot danseur, il est venu parce que c'est, je me souviens de, on va dire d'une danseuse, ça va être le l'adjectif que péjoratif pour le coup qu'on va donner à une personne qui mitonne, c'est-à-dire quelqu'un qui te dit, par exemple, je me souviens d'un ancien président de la République qui prétendait avoir été là à la chute du mur de Berlin. Et les journalistes le lendemain avaient confronté son emploi du temps pour démontrer que c'était pas possible qu'il y soit, et donc ça l'avait ridiculisé publiquement. Et là, on dit c'est un danseur, quoi. Tu vois, un danseur dans le sens, ou une danseuse même. On dit danseuse, quoi. Tu vois, du mec, c'est dans ce sens-là, quoi. On salue les danseurs professionnels et premier degré parce qu'on les respecte tout à fait, mais il y a un deuxième mot, il y a un deuxième sens à danseur qui, là, est pour le coup, quelqu'un qui se la raconte, quoi. Ou qui est on va dire un tocard prétentieux aussi. Et là, il se trouve que c'était le cas dans la chanson. Je parle d'un mec qui, en 20 ans d'écart, va me condescendre, va me prendre de haut. Et je me suis fait sa peau dans la chanson, quoi. C'est-à-dire, je le remets à sa place dans sa chanson, quoi. C'est-à-dire, tu n'es qu'une brique dans le mur, mon pote. Donc, voilà. On en revient au côté interprétation de ce que vous proposez à chacun, c'est-à-dire que la chanson, bon, vous écrivez, vous composez, ensuite vous allez sur scène avec vos chansons et vous les interprétez. Enfin, d'ailleurs, je dis sur scène, mais aussi sur disque, puisque là, pour ce titre danseur, par exemple, il y a une manière de parler, tu joues. C'est un texte parlé, justement. C'est un texte, il est même pas chanté, je crois, il est que parlé. C'est du talk over et ben voilà, il est pas scénique du tout, il est vraiment pour écouter chez soi. Vous voulez l'écouter chez vous, une possibilité, vous procurez cet album La douleur des baies de Danny Desrues. Pour ce faire, plusieurs possibilités, moi j'en ai une toute simple, c'est vous rendre demain à Géramé au bar Le Neptune à 18h, c'est le début du concert de Danny Desrues. D'ailleurs, quand je dis demain, on est d'accord, c'est bien le vendredi 23 août. Je crois même 17h30, je crois même que je commence à oui, 17h30. Oui, autant venir toujours... Je joue à 17h30, non, mais je joue même à 17h30, je crois. Bon, alors venez dès le début d'après-midi, ouais. Comme ça vous ne louperez pas Dani, vous boirez plutôt, si je parle correctement. Voyons. Et sinon, quelle autre façon, alors, pour ceux qui ne pourront se rendre au concert, dernier concert dans les Vosges pour le Mosellan Dani, on peut via le site internet, via la page FB te contacter? Ah oui. Ah oui, franchement, pour me trouver, tu tapes Danny Desrues, tu vas vite avoir des liens pour me parler. Mais tu nous les envoies, comment ça se passe? Bah, le disque, oui. Bah, c'est-à-dire, les gens, ils m'envoient un petit chèque, sympathique. Et en réponse à ça, je renvoie le disque pour les remercier de cette belle attention. Ou alors, ils vont sur PayPal, hein, tiens. Ils peuvent aller sur mon compte PayPal pour le payer et puis je leur envoie. Oui, voilà. C'est plus facile parce que moi, je me souviens, oui. En 2004, avoir commandé restaurant à volonté en payant par chèque. Ah, dis donc. Le chèque des parents, puisque j'avais pas de chéquier. Oh, dis donc. Voilà, vous saurez tout. Mais maintenant, voilà, via PayPal, c'est plus facile. Ah, oui. Il t'avait plus ce disque hein, ah, Restaurant Volonté, oui, ouais. 2004. Ah, bah, c'est sûr. Je sais pas, je te demande. Ah, bah oui, oui. Puis ouais. Apparemment, je l'écoutais en boucle. Il y avait des morceaux qui me plaisaient bien, comme Statue de la Liberté. Ouais. Il y avait aussi, enfin, là aussi, tu parlais de gimmick tout à l'heure. Il y avait beaucoup de morceaux qui se retenaient, mais aussi des sujets qui étaient importants, je crois. Je sais pas, je te demande. Hein. Restaurant Volonté. Bah oui, je sais pas, tu me parles du Statut de la Liberté. Oui, c'est une belle, je la jouais plus parce que les Américains sont capables du meilleur et du pire. C'est-à-dire, ils étaient, à l'époque, c'était George Bush qu'on avait. Mais je veux dire, c'est une chanson, après, ils ont quand même sorti Obama, quoi. C'est quand même délirant. Et maintenant, ils ont Donald Trump, donc je pourrais la rejouer, mais Ils sont beaucoup, hein. Ouais, ouais. Il y a tout individu. Ouais. Je sais pas, peut-être que tu pourrais la garder sous le coude si, dans cette émission, si t'as envie de nous la jouer tout à l'heure. Bah, le Statut de la Liberté, ouais. Je la connais plus. Ah non, tu sais plus. Je la connais plus parce que il faudrait, les chansons, je les connais parce que je les joue tout le temps, mais t'imagines, elle a 15 ans. Et, du fait que je la joue plus depuis Obama, donc depuis, des années, une chanson que tu joues plus comme ça, j'en ai 300 des chansons, je crois. Et je joue encore la moitié, à peu près. Je les joue tous les jours quand je vais jouer dans la rue, donc je les connais toujours. Mais pour raison X ou Y, il y a une chanson qui va gicler, dès qu'un album va sortir, je vais en garder 6 de l'album. Et donc, je vais en virer 6 des précédentes. C'est à peu près comme ça que ça se passe, quoi. Mais celle-là, elle a viré, quoi, en l'occurrence. Bon bah du coup je ne m'adresse plus à Dany, je ne te regarde plus, je vais directement voir Greg et je lui demande de jouer c'était statut de la liberté, c'était encore le une fois le statut de la liberté, ouais. Greg, joue-nous le statut de la liberté de Dany. Pardon, j'ai pas ça va être difficile. Greg, est-ce que toi tu as une chanson que tu adores jouer s'il y en avait qu'une, est-ce que c'est le cas pour toi ou pas? Il y a une où, mais vraiment le côté, j'allais dire purement égoïste, c'est-à-dire où toi tu prends ton pied à jouer ce morceau que tu as écrit et composé. Bah, c'est vrai que j'ai du mal à assumer les anciens morceaux. Donc, j'ai tendance à jouer vraiment les chansons du dernier album. Quand tu parles des anciens, est-ce que l'EP et Mon Petit Monde ou carrément le... Ah, oh, même, le, même, le parfum des souvenirs, j'assume plus trop, parce que je trouve que j'ai bien progressé au niveau des textes et c'est pour ça quand je dis que j'assume plus, c'est dans le sens où je trouve que les textes étaient beaucoup plus moyens, quoi. Donc j'ai du mal à les jouer, quoi. Tu l'as sorti il y a 5 ans cet album et forcément les chansons ont été écrites avant. Donc c'est des chansons qui ont peut-être pour certaines oui, ça date déjà d'une période. Ouais, peut-être certaines peut-être bien. Tu te sens en décalage maintenant? Oui, vraiment. Vraiment. Donc, sur le dernier album, retrouver les... j'adore tout... enfin voilà, je les assume vraiment, je trouve que j'ai réussi à faire des bonnes chansons sur cet album, quoi. Et... bien entouré, on le disait, avec des musiciens professionnels également, dans un studio qui a le matériel, c'est Adinosé. Oui. Ça s'appelle Agile. AJL Rec. Alors, retrouver l'essentiel, le souci, c'est que je l'ai passé tout à l'heure, hein. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Ouais, non, mais j'en ai d'autres, c'est vrai que... Alors, moi, par exemple, il y en a une, et là aussi, hein, il y a plein de sujets, là, qu'on a, On pense à la même, c'est sûr. Vas-y. La 3? Ben oui, c'est le causélophobie. Voilà, le syndrome. Ouais. Alors, le causélophobie, est-ce que tu sais ce que c'est, Dany? Ah, j'ai entendu Dany. Parler de ça, Dany. La leco. La leucozélophobie. Non. En fait, c'est la peur de la page blanche des auteurs. Redis-moi le nom alors. Leucozélophobie. Phobie, peur, zélo, ouais. Leuco, bon, c'est blanc, et puis zélo, je pense, ça doit parler peut-être de la page. Ou... Bah forcément, ouais. Donc, leucozélophobie. Et on trouve pas ça dans le dictionnaire, on trouve ça parce que le dictionnaire ne recense pas, je pense, toutes les phobies qui peut exister, mais quand on tape maladie peur de la page blanche sur internet, on trouve ce terme. En tout cas, quand j'ai regardé les titres de ton album, forcément, je savais pas. Mais enfin, quand on écoute, en fait, si je m'en suis douté, parce que c'est un peu métaphorique, bien sûr, mais on comprend de quoi il s'agit. Et d'ailleurs, peut-être que tu pourrais nous la jouer maintenant. Ouais. Avec plaisir. Ah. Voilà, j'étais devant ma page blanche sur mon bureau et bah du coup j'en ai fait une chanson. Voilà. Et voilà, voici Le Causélophobie. Elle me nargue la diabolique, la posée sur un coin du bureau. Un face-à-face anesthésique entre les murs de mon studio. Les ombres des nuits me submergent, elle ne souffre d'aucun mot, puisque désespérément vierge de l'encre de mon stylo. Toutes mes rimes sonnent en disharmonie. Mes vers volent en éclats. Je m'ulcère dans les sphères de mes divers dictionnaires. Envie de tout foutre en l'air. Je veux pas qu'on m'oublie. Le temps menace, je me perds. Mais je veux pas qu'on m'oublie. De commentaires, j'étais adulé naguère. Hier encore, les journaux, les télés, les radios, les couvertures de magazines. J'avais tout bon, tout était beau avant que mon inspiration ne décline. Puis ce système qui m'oppresse, le culte de la vitesse, écrire sous les comptes à rebours, accélérer le tempo, accélérer toujours, toujours. Toutes mes rimes invitent à l'embellie. Je ne les entends pas. C'est l'enfer dans la sphère de ma phobie singulière. Envie de tout foutre en l'air. Je veux pas qu'on m'oublie. Le temps se lasse, je me taire. Mais je veux pas qu'on m'oublie. On méprise mon univers. Je veux pas qu'on m'oublie. Mes rimes sonnent en disharmonie. Je veux pas qu'on m'oublie. Je te largue la diabolique, toi et ton petit numéro. Insignifiant, anecdotique, tu n'es pas digne de mes mots. Wow. Merci beaucoup, Grégory. Paradisi en direct du studio de Radio Gemozo avec cet extrait de son dernier CD qui s'appelle Retrouver l'essentiel et la chanson c'est Le Causélophobie. D'ailleurs je savais pas si on disait Zé ou C. Zé. D'accord. Et pareil hein, que pour Dany Desrues ici présent, si on a envie de se procurer ton album en concert, ça sera possible. Ce soir, tu es avec le duo Sorbet Citron à la Jéromoise. Je l'ai avec moi. Toujours. Forcément. Puisque j'en chante toujours une ou deux. Voilà, donc pas de souci. Sur le site internet grégoryparadisi.wordpress.com via PayPal. Et puis, il est toujours à Cultura, Épinal aussi. Et pendant encore quelques semaines, je pense. Je sais pas si ça va durer encore très longtemps, mais voilà, bon, il est chez Cultura. Et puis j'ai quelques points de vente. À Gérard May aussi. À Gérard Bépal également. À Gérard Bépal aussi. Et également demain, Grégory Paradisi sera en concert à L'Or du Temps, c'est boulevard Kelch à Gérard May. Et ça sera. Chouette restaurant. À partir de 19h. Et avant, vous aurez pu aller voir Dany Desrues au Neptune. Ça sera certainement à partir de 17h30. Mais venez de toute façon avant. Et puis, ça sera l'occasion, je le disais, d'acheter l'album à l'artiste. Surtout d'échanger avec. Hein, ça n'a pas de prix, ça, de pouvoir parler. Que ce soit pour vous. J'imagine que c'est bien aussi d'avoir les retours et puis simplement ces échanges-là. Bah oui. Et ça nourrit parfois peut-être des chansons aussi. Évidemment, oui, tout te nourrit. Hein. Ça encourage, quoi. C'est vrai que les gens, quand ils viennent te voir et puis qu'ils disent oh, on a adoré vos chansons, c'est vrai que ça fait. Enfin, moi, je sais que j'ai pas trop confiance en moi, donc voilà, c'est vrai que ça fait plaisir, ça encourage beaucoup. Grégory Paradisi et Danny Déru, que vous pouvez retrouver, bien évidemment, en plus d'aller voir en concert sur Internet, que ça soit par leur site, les réseaux sociaux, ou alors YouTube, on le disait tout à l'heure. Danny, on a évoqué ce sujet avec Greg, mais je ne t'avais pas demandé, je le fais maintenant, l'importance du clip. Hein, tu y attaches aussi, bien sûr, de l'importance. On voit pas mal, enfin, j'ai envie de dire, t'as deux d'ailleurs chaînes YouTube, hein, puisque t'en as une où il y a quasiment toute ta discographie. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et il y a l'autre que tu alimentes fréquemment, même parfois tu joues des morceaux comme là. C'était assez sympa de te revoir jouer ton premier titre. Il n'est pas triste ce titre, ouais, c'est la beauté des fées. Non c'est fées sucrées, ouais. Et qui dans ce titre-là, c'était ton premier morceau enregistré. Tu l'as rejoué, on le peut le voir sur le. Ouais, je veux faire la suite d'ailleurs. Je sais pas si je fais bien de faire ça. Enfin, je sais pas, ça passe bien. Ouais, mais c'est le côté. Alors, il y a les deux. Il y a le revers de la médaille. D'un côté, moi, je trouve ça toujours intéressant de revoir ce qui s'est fait précédemment. Alors, en plus, là, quand c'est revisité, c'est encore mieux. Mais ce qu'on appelle des fois les archives, par exemple, voir Danny avec les cheveux longs, tout ça, tout genou en photo. Enfin, c'est excellent. Enfin, moi, j'aime bien voir quand on n'a pas connu les gens à une époque, de les voir comme ça. Après, il y a ce côté qu'on évoquait avec Greg, la nostalgie. Des fois, la nostalgie, c'est pas forcément. Ça peut empêcher d'avancer, ce qui n'est pas le cas. Oui, c'est certainement. Là, je médite sur ce que tu viens de dire. Mais en tout cas, toi, tu t'en sers, tu revisites ces vieux morceaux. Voilà, ouais. Par rapport donc à l'importance du visuel, enfin le visuel, j'allais dire mouvant. En tout cas, les clips. Écoute, il y a une dizaine d'années, je me suis rendu compte que j'avais enregistré 200 chansons et que j'avais moins de 10 vidéos. À l'époque, en ligne, qui existait de moi, quand on tapait Danny Déru sur Internet, il y avait moins de, on trouvait quasi rien. Et je me disais, mais dis donc, t'existes pas en image, t'existes en son, t'existes sur des disques et sur du son, mais t'existes pas visuellement. Et j'ai rattrapé le truc. Déjà, on avait fait une vidéo à l'époque qui était les 20 ans de Danny Déru, avec Julien Petitjean, un montage qui dure une quinzaine de minutes, qui est très drôle et qui est un concentré de ce qui s'était passé en 20 ans. Et puis, du coup, je me suis un peu réveillé. Je trouve que c'est même pas encore assez, quoi. Il n'y a pas de ouf de vidéos, je trouve. Il y a des choses quand même un peu parlantes. Il y a une vraie vidéo tous les ans un peu plus étoffée qui est publiée certainement, mais il pourrait y avoir beaucoup plus de choses, je pense. Et pour en revenir à tes débuts et aux vidéos, j'aimerais qu'on évoque les archis. Ouais. Parce que c'était un conte musical rock, là aussi un album concept. Et puis ensuite, tu en as fait une version filmique. C'est ça, j'ai pensé tout en même temps. J'ai fait un livre, un disque et un film à l'époque des archis. C'était un album concept qui existait par le biais d'un spectacle que j'ai... Parce que c'était un peu comme un opéra rock, mais du coup je l'ai joué beaucoup seul, parce que les lieux où tu peux jouer, c'est tout seul, quoi. Oui, effectivement, il y avait les trois supports, parce que j'aurais voulu toujours grandir avec le livre, le disque et le film. J'aurais voulu toujours proposer les trois produits et les trois articles. Parce que tu prends par exemple, je me souviens de Jacques Brel qui disait que niveau de la composition, il n'était pas Mozart et niveau de l'écriture, il n'était pas Baudelaire, quoi. Mais que en mixant les deux, il pouvait donner un truc, quoi. Enfin, en mixant les deux disciplines. Et peut-être que oui, si on est sur un propos qui peut se détourner par les arts mineurs, enfin toutes les expressions qu'on a. On peut peut-être arriver à dire des choses et puis à toucher des gens. Je vois que, par exemple, avec mon livre, il y a 3 ans, j'ai touché des gens qui s'en foutent de mes disques, quoi, qui du coup voulaient absolument lire le livre et qui sont venus vers moi, alors que je pense que c'est des gens qui s'en foutent des disques. Grave. Le livre, le busker qui tonne, Danny Déru, c'est ton parcours, hein, de chanteur de rue. Ah. Et pour en revenir aux archis, est-ce que maintenant tu pourrais refaire un film comme tu l'as fait à l'époque, voire même refaire un film sur les archis la suite? J'y ai déjà pensé plusieurs fois. J'ai pensé le faire. Mais du coup, il y a un alignement de planètes qui fait le truc. C'est par exemple tout simplement, je demande à la comédienne qui jouait le rôle de Anne dans le film, je lui demande à elle, à Jill, si elle veut bien revenir. Si elle m'avait dit oui, je crois qu'on y allait. Hein, tu vois, elle m'a dit d'abord oui, puis après je sais pas ce qui se passe, si elle est moins dispo, si elle a pas envie, en fait des choses comme ça. Après, elle était plus trop dispo. Elle me répondait plus, et donc je sens. Mais si j'avais l'alignement de planètes, parce que là t'es pas seul du coup, t'as une bonne dizaine d'éléments qui doivent s'aligner pour que tu puisses faire le truc, parce que ça serait beaucoup de boulot. Et si j'avais eu ça, je l'aurais fait, quoi. J'aurais fait une suite des archis. Mais non, ça s'est pas présenté, quoi. Ça s'est pas présenté. Mais je ne désespère pas. Par contre, on est en ce moment sur le deuxième album des Salopettes Acoustiques qui était branlant. Ça s'est joué à pile ou face un petit peu, mais en fait le destin a voulu qu'il y ait eu pas mal de dates qui réveillent les Salopettes et qui font que le groupe existe toujours, parce que c'est compliqué de faire vivre un groupe. Quand on est musicien seul, qu'on va se vendre tout seul, concrètement, l'économie d'un musicien seul, ça va, ça peut se gérer, mais de faire vivre un groupe et de vouloir professionnaliser un groupe comme on voudrait avec les Salopettes Acoustiques, ça c'est beaucoup plus balèze. Et alors, du coup, je sais qu'on est sur le deuxième album des Salopettes, s'il y a un troisième, alors on aura en début 2020, premier semestre 2020, il y a le deuxième album des Salopettes Acoustiques qui va sortir. J'aimerais un troisième qui serait du coup un album concept, du coup avec peut-être un livre, un film, un disque comme à l'époque des Archies, avec une histoire, quoi. J'aimerais beaucoup que ça soit quelque chose comme ça. Voilà. Les Salopettes Acoustiques, ce sont bien évidemment Danny Desrues avec Tony Fomblard qui lui est à la basse et Maud Geoffroy, violoncelle et flûte traversière. Ouais, ouais, ouais. L'album s'appelle Discount. On peut aussi l'obtenir, que ce soit en allant voir les Salopettes en concert, mais là ils ne seront pas dans le niveau chez Tété, c'était le cas de l'été précédent, mais en contactant Danny. Et puis d'ailleurs, si vous avez envie de faire jouer que ce soit les Salopettes Acoustiques ou Danny Desrues, c'est assez simple, je vais vous donner une heure, ce ne sont pas les numéros du loto, mais c'est presque pareil, vous aurez gagné le gros lot, vous auriez gagné Dany et ses copains. C'est le numéro de Dany qui est le suivant. Je vais faire attention à pas donner celui de Greg. Je le donnerai après, en disant bien que c'est celui de Greg. Non, pour Danny Desrues, vous avez envie de le faire jouer dans le coin, pour qu'on n'attende pas un an pour le revoir ici dans les Vosges, puisqu'il vient de Moselle. C'est le 06 03 93 00 50. Et je sais, je t'ai pris de court. Tu n'avais pas de papier, de stylo. Donc, je vais te laisser le temps d'aller les chercher. Non, ce n'est pas dans le tiroir là. Oui, va voir un peu plus loin dans le salon, effectivement. Voilà, bon tiroir. Tu as sorti le papier et le crayon. Le numéro de téléphone de Danny Desrues, c'est le 06 03 93 00 50. Et puis hein, sur internet, bien évidemment, Danny Desrues, vous ça trouverez. Ça sonne déjà. Oui, mais Greg, on va en venir à ton numéro, mais je le garde encore un petit peu sous le coude parce que j'en ai pas fini avec Danny. On parlait des Salopettes Acoustiques. Est-ce que tu pourrais jouer un morceau Si tu veux. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Bon, tu veux quoi? Tu t'en veux un ou c'est moi qui... Je préfère que tu joues celui que tu as envie de jouer. Moi, je m'en rappelle d'un, mais déjà, c'était parce que ce qu'il faut dire, hein, c'est que presque exclusivement plutôt, puisque Danny Desrues, c'est en solo la plupart du temps, mais là, en tant que groupe, chacun a emmené ses idées, ses chansons. Il n'y a pas que des morceaux de Danny Desrues. Et il se trouve que je me rappelais d'un morceau, mais c'était pas un de toi, donc c'est pas toi qui va l'interpréter. La chanteuse des Burning Ladies. Ouais, là, c'est, pour le coup, c'est le titre de Tony. Oui. C'est le titre de Tony. Mais ouais. vous l'écouterez en achetant le CD, je vais y arriver. Oui, ça bien sûr, bien sûr. Mais alors, tu vas nous jouer peut-être le morceau titre, celui qui avait été mis en avant, non? C'était Discount, c'est ça? Ouais. Tu veux Discount, d'accord. Ah, c'est celui-là. Je te le fais alors. Merci, Dany. Le titre éponyme de l'album. Beaucoup prônaient l'aboration pour justifier un prix en plomb. en mettre partout dans tous les coins, pour que le client cède enfin. Ici nous prônons le contraire, le jet brut est l'idée première. S'il est riche en sentiments, il coûte pas cher, gagnant, gagnant. C'est une des clés de ce discount à valeur si peu pécuniaire. Pour trois fois rien, il est à vous, efficace et surtout pas cher. C'est sûr qu'on a fait notre affaire avec trois morceaux de ficelle. C'est en cherchant le bonheur et pas midi à 14h. S'il faut être la culture du pauvre, plan B de ceux qui ont presque rien, on sera content si on les sauve du triste ou d'un affreux destin. C'est une des clés de ce discount à valeur si peu pécuniaire. Pour trois fois rien, il est à vous, efficace et surtout pas cher. C'est qu'il ne faut être agrégé pour comprendre les fleurs et les filles. Il suffit de les regarder et leur beauté nous éblouit. Le discount a le prix des puces, des chiens ou des ordinateurs. À vous d'y voir de belles astuces, hein, simplement en ouvrant le cœur. C'est une des clés de ce discount à valeur si peu pécuniaire. Pour trois fois rien, il est à vous, efficace et surtout pas cher. C'est une des clés de ce discount à valeur si peu pécuniaire. Pour trois fois rien, il est à vous, efficace et surtout pas cher. Merci beaucoup, Danny Déru. Extrait de l'album Les Salopettes Acoustiques, le premier album discount, et vous l'avez entendu, hein, certainement très prochainement un deuxième album. Ouais. Et on parlait de visuels, on parlait de clips, de films. Et j'aimerais que vous nous parliez des visuels de vos albums, en tout cas des derniers en date. Et pour faire le lien avec discount, hein, j'aimais beaucoup la pochette de toi, Danny, avec ce gamin à côté qui faisait penser au Kid de Charlie Chaplin. Tout à l'heure, on parlait des films muets. Là, c'était la référence. Alors, je ne sais pas si tu veux nous parler de cette pochette-là ou plutôt nous parler de la pochette du dernier ou des deux d'ailleurs, La Douleur des Baies, dernier album de Danny Déru. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le visuel? Autant j'ai pu parler de référence pour celui des Salopettes Acoustiques, autant pour le tien, La Douleur des Baies, j'y piche que dalle, Danny. Oui, oui. Alors, il se trouve que pour ce qui est de l'album Discount, le visuel, c'est un clin d'œil au Kid de Chaplin, parce que On devait faire le clip d'une chanson qui s'appelait On est tous des losers, et elle portait trop bien son nom, parce que le jour où on le tourne, si tu veux, c'est le 7 janvier 2017, et le clip commence, je sors, je me fais virer de mon appart par ma nana, je suis dans la rue avec la valise et avec ma guitare en fait en guise de valise, et je sors en marche arrière, mais comme c'est le 7 janvier, si tu veux, le sol il est encore verglacé, quoi, et je me claque la gueule au sol et je me luxe l'épaule. Donc j'étais 6 semaines avec une écharpe, et le clip était annulé, mais le gamin qui était là pour jouer le Kid avec moi dans le clip, il était tout navré, le petit Noah, parce qu'il serait pas dans le clip. Et du coup, j'ai eu pour me rattraper par rapport à lui, je lui ai dit, parce que, et en plus ça collait bien au propos des Salopettes, je lui ai dit, mais Noah, si tu veux, on fait la pochette de mon disque, du prochain disque des Salopettes Acoustiques, tous les deux en salopettes, en singeant la fiche du Kid, parce qu'on se veut aussi, dans les Salopettes, certainement être complètement mainstream, c'est-à-dire dans les références universelles que tout le monde connaît, dans des clés, dans des codes vraiment qui parlent à tout le monde. Et là, du coup, je trouve que la pochette du Kid, c'est quand même le plus grand film de tous les temps. Et donc, en faire un clin d'œil, on ne pouvait pas plus meilleure idée comme mainstream. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que sa maman, qui est très blonde et qui prenait la photo de la photo qu'on voit là, sa maman était en robe le jour-là, et avec un coup de vent, sa robe s'envole et on avait l'autre film culte qui est qui est sept ans de réflexion avec Marilyn Monroe. On avait les deux films, les plus grosses affiches, si tu veux, de l'histoire du cinéma étaient illustrées dans le même instant, quoi. Ça sera la prochaine pochette du disque des Salopettes Acoustiques. On a une autre idée, mais de films, j'espère que vous resterez dans l'esprit, peut-être, justement, de références de films. Eh ben, on est sur une idée comme ça aussi pour le deuxième album, mais je suis sur une idée comme ça. Mais ce qui est super, encore une fois, on le voit, je pense que beaucoup ont des exemples comme ça dans leur vie, c'est que les aléas créent quelque chose de positif. Là, sans cet accident de Danny, il n'y aurait pas eu cette belle pochette. Voilà. Alors, pour la pochette, tu veux savoir la douleur des baies. Il se trouve que c'est la douleur des baies, déjà le titre, est-ce que tu l'as compris? Je ne suis pas sûr, mais je vais te l'expliquer si tu veux. Moi, je dois te dire quand même que forcément, avec toi, je cherche toujours les jeux de mots et j'en ai trouvé pas mal. Mais alors là, je cherche un jeu de mots, la douleur des baies, mais j'en trouve pas. T'en trouves un, toi, Dani? Les baies, c'est les cranberries. Les Cranberries, et si tu veux la douleur, Dolores O'Riordan, qui était la chanteuse des Cranberries, c'est douleur, son prénom c'est la douleur. Dolores, c'est la douleur. La douleur des baies, c'est une chanson hommage à Dolores O'Riordan des Cranberries. Et donc je l'ai évoqué à l'artiste peintre Emma Labulle qui signe donc la pochette de l'album. Je lui ai évoqué donc les Cranberries, le côté mélancolique et éventuellement triste qu'il y avait par rapport à la chanson La douleur des baies. Pourtant, je voulais quelque chose qui, quelque part, pouvait lui donner une lueur d'espoir pour pas être un album plombant, parce que l'album est pas plombant, et pas forcément plombant. Donc, du coup, voilà, je lui ai donné ça comme consigne, et c'est ce qui a donné le tableau que tu vois sur la pochette qu'elle a peint. Et qui donne le tableau de la pochette du disque. Ouais. Quand on dit que l'album, son ambiance en tout cas n'est pas plombante, j'ai quand même moi envie de vous énoncer les titres de cet album de Danny Desrues, parce que ça vaut toujours son pesant d'or, je trouve. Bon là, merci beaucoup de nous avoir expliqué celui-ci. Et alors, je vais vous dire, donc je vais pas vous donner les numéros, hein, mais juste vous dire comme ça les titres. Je prose mon verre, Pluvieux, La douleur des baies, Les clandestines de l'humour, La vie nous appartient, Je vous aime, Danseur, Parfois, Comme j'ai pu, et les trois dernières j'aime beaucoup, Des oursins dans les poches, Les repassantes, Respiration évidente. Je n'en dirai pas plus. Si vous voulez en savoir plus, vous procurerez l'album de Danny Desrues, La douleur des baies, en allant le voir demain, c'est-à-dire vendredi 23 août, en concert à Gérardmer, au Neptune, à partir, venez assez tôt, 17h, 17h30. Et puis, comme ça, vous pourrez voir Dany, être aux premières loges, parler avec lui. Et vous pourrez peut-être vous rendre un peu plus loin, 500 mètres plus loin, toujours à Gérardmer. Ça sera à l'Or du Temps, boulevard Kelch, et il y aura Grégory Paradisi pour présenter lui aussi son nouveau CD qui s'appelle Retrouver l'essentiel. C'est un 6 titres et il a forcément lui aussi une pochette. Déjà, bon, un atout pour moi qui aime, je le disais tout à l'heure, lire les textes, c'est le livret. Comme ça, j'ai pu être concentré un peu plus sur les paroles. Oui, moi j'aime bien les mettre parce que des fois la musique passe un petit peu au-dessus par moment, certaines personnes, je sais que quand j'écoute de la musique, je me dis, ah zut, qu'est-ce qu'il dit là, j'ai beau me la repasser 10 fois, je comprends pas, et ça arrive, et je me dis qu'est-ce qu'il y a. Donc c'est bien d'avoir les textes des fois pour comprendre. Bon, normalement c'est sur mes chansons c'est assez on entend bien quoi les textes, mais bon, parfois la voix est bien mise en avant, tu articules. Je sais. Et il y a une photo. Alors là, c'est pas, j'allais dire, subliminal comme la pochette de Dany. C'est pas, en tout cas, un tableau. C'est... Ah non, c'est pas un tableau. C'est ta tronche. C'est ma tronche. Mais moi, j'aime bien les couleurs. Ah ben, ça fait penser tout à l'heure, Dany parlait des crayons de couleur. Là, on est dans cet esprit. Tout à l'heure, je parlais de nostalgie. Ça fait encore une fois, c'est un peu la suite de ton album Le Parfum des Souvenirs, c'est-à-dire ça fait penser aussi à l'enfance avec ses couleurs. Qu'est-ce que toi, comment tu as pensé cette pochette? En plus de, bah, déjà, est-ce que ça ne pouvait pas être autre chose que ta tête? Si, sans doute, mais quoi, je sais vraiment pas, mais vraiment pas. Donc, à chaque fois, je mets ma tronche et puis j'essaye de d'en faire quelque chose. Et le graphiste, à chaque fois, je lui dis, tiens, on ferait bien ça. Mais il me dit, mais pff, c'est d'un ancien temps, ton truc. Arrête. Donc je lui laisse un peu carte blanche. Mais tu sais, Greg, c'est simple. T'as compris, Danny, comment il avait fait pour trouver une bonne idée de pochette. Il suffit que tu tournes le prochain clip, tu te casses quelque chose et paf, une idée de pochette. Ah, on va éviter. Alors là, les couleurs, bah, c'était sur le retrouver l'essentiel, quoi. Voilà, les couleurs, il y a les trois couleurs primaires. Qui sont par rapport à la photo qui est un peu noire et blanche. Voilà, ça tranche avec la photo. C'est ces trois couleurs primaires qui surlignent le titre, retrouver l'essentiel. Voilà. Qui le mettent en avant. C'est un digipack tout en carton. Ouais, j'aime bien. C'est vrai que. C'est un bel objet. Ouais, j'aime bien. Ça se fait beaucoup maintenant, mais ouais, je préfère presque ça maintenant plutôt que les coffrets cristal classiques, quoi. Un titre qui, alors là aussi, hein, nostalgie, et puis je pense que ça va tous vous parler d'une manière différente, bien évidemment. Ma petite école, ce morceau, on va l'écouter, bien sûr, tu vas pas nous le jouer en direct, puisqu'on n'aurait pas les chœurs d'Ève, on n'aurait pas les voix d'enfants également. Oui. C'est d'ailleurs celui qui clôt ton CD. Ouais. C'est pas un hasard. Je voyais pas le mettre au milieu du. J'ai eu peur que les gens décrochent un peu si je le mettais. Je me suis dit c'est un peu une chanson un petit peu bonus à la fin. Puis finalement je me rends compte que les gens adorent. Mais c'est juste une guitare chant, donc je me suis dit bon je la mets à la fin pour conclure. Voilà, c'est bien comme ça. Vous qui écoutez, Dani, écoutez bien ces paroles. Ma petite école. Grégory Paradisi. Elle est chouette, ma petite école. Ah oui, c'est chouette, c'est super. Tel un joyau dans son écrin, elle s'élève au creux des montagnes, tout de pierre, bâtie de nos mains, perle de vie dans ma campagne. Elle a traversé les années, les modes, les générations, la blouse, la plume, l'encrier et nos plus modernes façons. Des souvenirs indélébiles, l'ivresse de mon premier amour. Un baiser volé, malhabile, sous les alisiers dans la cour. Ma petite école, sous les tourbillons de septembre. Tout un tas de règles à apprendre. C'est des interros face au tableau, les œuvres de Maître Rimbaud. C'est des tables de complications, orthographe et conjugaison. C'est du pareil au même. Elle signe d'un très joli nom, gravé sur une arche de grès. Elle est riche de son blason, de ses médailles, de ses trophées. Elle est fière, ma petite école, de ses adorables marmots, qui d'un chant de guet rossignol lui adresse ses quelques mots. Elle porte en ses murs des secrets, des affaires non élucidées, des révélations. révélations, des regrets, des sentiments inavoués. Ma petite école, sur la lune ou dans les nuages, l'insouciance pour seul bagage, c'est sur une fenêtre embuée, l'esquisse d'un rêve égaré, qui lentement s'efface, c'est quand les premiers souffles d'été s'emparent des avions de papier et des photos de classe. Grégory Paradisi. Non, c'est pas celui que vous venez juste d'entendre, hein. C'était juste avant ma petite école. Comment, Greg ? Robin Paradisi. Le fiston. Le fiston. Et c'est extrait de ton album Retrouver l'essentiel. En tout cas, bah, c'est un CD 6 titres. Et c'est ce morceau qui clôt l'album. Et je crois que c'est le moment idéal pour donner les coordonnées de Greg si vous avez envie par exemple de le faire jouer, que ça soit bah, tout comme Danny, hein, il est prêt à venir n'importe où, bon c'est quand même quand partout même... partout là on m'appelle avec grand plaisir, un hein. Minimum rémunéré puisque c'est ton métier. Après c'est à voir bien sûr, à négocier je dirais. Alors Greg est joignable. Bon, cette fois, vous avez gardé, j'espère, le crayon et la feuille de papier tout à l'heure, et vous pouvez écrire ce numéro de Greg juste à côté de Dany. Comme ça, l'idée que je vous donne, les réunir tous les deux, comme ils se connaissent déjà, ça sera super sympathique, je sais pas, pour un festival ou même, voilà, juste à un moment. Pour Grégory Paradisi, c'est le 06 72 07 18 07. Et là, en fait, j'ai redonné celui de Dany. Non, je déconne. C'est bien celui de Greg. Grégory Paradisi, 06 72 07 18 07. C'est ça. Et puis, de toute façon, tu es facilement joignable sur le net. Comme je disais, hein, ce qui est bien avec vous deux... Ah, ça sonne. Ah oui, carrément, et tu laisses allumer ton téléphone, bien, pour participer à une émission radio. Ah oui, humour. Et par rapport à vous deux, hein, c'est bien parce que c'est pas le cas de tous les artistes, c'est que on vous trouve tout de suite sur internet, voilà, Grégory Paradisi ou Dany Desrues, c'est les premières propositions, et puis il y a tout ce qu'il faut, si on a envie d'échanger avec vous, de vous commander les albums, de savoir un petit peu quand et où vous jouez, bon vous avez marqué de toute façon vos dates, mais après il y a possibilité de papoter avec vous et de vous faire venir, hein, je le dis, mais c'est toujours ça aussi qui est sympa dans vos établissements, vos salles, de faire venir ces artistes locaux du Grand Est, hein, puisque Dany, on le redit, mais lui est de Moselle. Et d'ailleurs, Dany, on n'en a pas encore beaucoup évoqué, de cette particularité de jouer dans la rue. Comment ça est venu ? Quels sont les avantages pour toi et où joues-tu ? Du bas dans la rue, la rue. Dany Desrues dans la rue. Ouais, c'était en décembre 88 où je faisais mes petites emplettes de Noël à Metz et je vois là Bruno, un guitariste qui joue du Renault en l'occurrence, qui jouait que du Renault et il pleuvait des sous dans son étui. Ça marchait à donf quoi. Mais après j'ai compris que c'est aussi lié à la semaine de Noël. C'est que la semaine de Noël ça marche vraiment bien. Et je me dis, mais dis donc, ça a l'air de marcher son petit bordel là, et on va boire un coup, et il me dit qu'on peut vivre de ça, qu'on peut, pourquoi pas, gagner sa vie en jouant dans la rue. Du coup, il me dit, je pars 3 mois, tu peux venir là, demain si tu veux. Et je suis venu le lendemain, et j'y suis encore. Voilà. À son emplacement ? Ouais, à son emplacement. À Metz ? Ouais, dans la bonne ruelle à l'époque. Alors, tu joues pas qu'à Metz ? Tu joues beaucoup au Luxembourg ? Ah non, je joue plus à Metz, en fait, depuis que j'ai connu le Luxembourg. j'ai, voilà, je joue à Esch-sur-Alzette au Luxembourg. Plutôt, alors c'est plutôt l'hiver, parce que l'été il n'y a plus personne, donc c'est assez déserté dès le mois d'avril, ils reviennent tranquillou bilou vers le mois de septembre, octobre, et donc c'est plutôt une activité hivernale, comme les concerts c'est plutôt une activité estivale quoi. Donc je vais reprendre, je sais pas, vers le mois d'octobre la rue vraiment, je vais un petit peu vers, peut-être au mois de septembre et de plus en plus après. Ça te fait kiffer? Je veux dire, c'est justement, t'es en prise directe avec le public. En plus, il se renouvelle sans cesse. Mais ça n'a que des avantages de jouer de cette façon? Non, les inconvénients, c'est que par exemple, je me rappelle d'une toute petite salle que je faisais il y a 20 ans à Metz, où si tu veux, pendant 15 jours, tous les gens que je voyais me disaient, ah, au fait, tu vas jouer au Trinitaire, une salle de 120 places, hein. Ils me disaient, oh, dis donc, tu vas jouer au Trinitaire. Je l'entendais 20 fois par jour, les gens venaient me le dire, etc. C'est cool, tu joues au Trinitaire. Parce que, si tu veux, la communication passait dans toute la Lorraine que tu faisais les Trinitaires. Et pareil, le directeur du Trinitaire, lui, il avait jamais connu un truc où on lui disait, mais le Danny, il va venir jouer chez toi. Et il dit, mais dis donc, là, j'ai une éminence, parce que vu ce qu'on me dit de lui. Et le soir, on a 16 personnes, si tu veux. C'était vide. Et en fait, parce que tous les gens qui me voient tous les jours à longueur de journée, ils étaient tous contents pour moi. Mais ils se disent pas, on va aller le voir, parce que je leur rappelle le bureau, je leur rappelle, ils se disent pas, il y a un côté pas événementiel du tout à ce que tu joues quelque part, quoi, finalement. C'est-à-dire, c'est, ça, le côté quotidien, banalise aussi le truc. Le côté de la rue. C'est, tu deviens un peu banal, quoi. T'es jamais un événement, parce qu'on a l'habitude de te voir. Quelque part, tout le monde te connaît, mais aussi comme un truc habituel, qu'il n'y a pas de côté événementiel là-dedans. Et donc ça c'est l'handicap de la rue, mais par contre l'avantage, c'est vrai que c'est une immense liberté, même une, je dirais, une popularité immense aussi, parce qu'on me connaît partout et que ça apporte des ça ouvre des portes aussi. Ça, toutes les grands trucs qui me sont arrivés. Tout à l'heure tu parlais de Jean-Louis Aubert qui parle de, mais c'est évident, il me connaîtrait pas si j'étais pas chanteur de rue, voilà. Et en plus il t'envie quelque part. Bah, on a toujours ce qu'on n'a pas, quoi. On ah a oui, parce qu'on aime toujours ce qu'on a. Il aimerait retourner ouais. jouer dans la rue, mais oui. Il ne peut plus de sa notoriété. Et puis, il y a quelque chose qui n'est pas mesurable, que je trouve génial dans ce que tu fais, Dany. C'est, tu es dans la vie des gens, puisque tu le disais, ils te croient. Bon, il y en a, ils vont au boulot, il y en a, en tout cas, ils sont dans leur vie. Et toi, tu fais partie, tu es un repère de leur vie. Mais il y a un truc vertigineux à jouer quelque chose où on ne sait pas où on va. Quand tu joues dans une espèce d'improvisation de ce qui se passe dans la rue, comme ça, dans les gens t'entendent sans t'écouter, et donc tu peux tu vas au hasard, quoi. Et on est au hasard, il y a pas d'obligation de résultat, donc on n'est pas forcément en train d'exécuter quelque chose de présentable, quoi, esthétiquement parlant, quoi. Moi je me balade en jouant des chansons de 10 minutes dans la rue, je vais là où je veux, quoi. Je vais là où je veux, et ça par contre ailleurs on le trouve mal, quoi. C'est pas évident d'avoir cette liberté là, quoi. Et tu joues tes propres chansons? Oui, aussi, mais je joue aussi des reprises. Je fais les deux, j'alterne les deux. Tout comme toi, Greg. Alors toi, c'est pas dans la rue? Bah, je l'ai fait, je l'ai fait dans la rue piétonne à Gérardmer pendant 2-3-4 ans. L'été, je faisais une quinzaine de dates à rue piétonne, et c'est vrai que j'ai bien aimé. J'ai bien, sauf qu'on est un peu à la merci de tout, et hein, parce que des fois certaines personnes qui traînent dans la rue ne sont pas toujours mais bon, en général ça se passait très bien, et c'est vrai que c'est, quand on voit les gens qui donnent régulièrement, on se dit bah ça doit être bien ce que je fais, quoi. Non, mais c'est intéressant. Oui, tu alternes en tout cas, reprise, tout comme Dany, oui, reprise et tes propres morceaux. Et pour revenir à toi, Dany, quand même, une de tes spécificités, c'est un peu dans la continuité de jouer dans la rue, c'est devant les salles de concert, au moment des concerts, notamment des grands concerts, des grandes salles, je vais pas les citer forcément, les grandes salles le Zénith et le Galaxy, voilà, on va dire, oui, surtout. Et à ce moment-là, quand toi tu joues tes morceaux, alors comment ça, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens t'écoutent, sont généreux déjà dans l'écoute, et puis après est-ce qu'ils donnent? Comment ça se passe, et comment t'es venu l'idée surtout? Mais je me suis rendu compte que je suis je sais pas, je suis devenu peut-être une habitude des gens qui ont l'habitude, qui savent qu'ils vont me retrouver là. Donc c'est un peu un rendez-vous, surtout au Galaxy, parce que il y avait une direction, une des précédentes directions qui m'avait zappé qui m'aimait pas et qui me balançait les enceintes à toc quand je commençais à jouer. Donc j'avais compris qu'on m'aimait pas et qu'il fallait que je parte. Donc c'était, mais ces gens-là sont partis, comme dit Coluche. Il y a des gens qui m'ont viré, mais les gens qui m'ont viré ont été virés, donc je peux revenir. Et donc il se trouve que à Nancy, par exemple, je sens que j'ai à me refaire connaître, c'est-à-dire les gens ne sont plus habitués à me voir comme ils m'ont connu il y a 15 ans, 20 ans. Et donc là aussi, c'est le fait de créer quelque chose où les gens vont me découvrir et les gens savent, tout est libre, le prix de mon disque, il est libre aussi. Ça c'est quelque chose qui fait que on n'est pas dans ce qui se passe de l'autre côté de la grille avec où on leur enlève une souche sur le billet qu'ils ont payé et où on rentre dans un format saucissonné. Moi je suis un hobo, comme c'est-à-dire je suis un vagabond, et il y a pas d'appellation sur ce que je fais, c'est pas défini. C'est les gens l'apprécient comme ils ont envie de la voir, voilà. Mais en tout cas, ils me soutiennent bien parce que c'est un quart de mon activité professionnelle, donc je suis très sensible à ce qui se passe. Et ça t'est venu comment de jouer dans les files de concerts ? On m'avait refusé c'était Renault qui faisait une tournée des petites salles. Et j'étais allé voir fort de mes 200 articles de presse à l'époque. On garde plus ça avec Internet, mais à l'époque on gardait les articles de presse. Et j'étais allé voir une salle pour faire la première partie qui était à côté de chez moi. Et on m'a dit, ah ben non, nous on prend pas les premières parties. D'ailleurs, le nouveau directeur de cette salle est aussi con que la précédente, que celle de l'époque. D'ailleurs, parce qu'il a très mal pris le fait que je sois venu jouer devant sa salle, je l'emmerde, donc, il se trouve que j'étais venu postuler, puis elle m'a dit, ah non, on fait pas jouer les locaux, chez nous. Et je me suis quand même dit que c'était un peu mes impôts qui payaient la salle, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, écoutez, vous savez quoi, vous n'avez pas à me programmer. Je vais venir faire la première partie devant la porte. Et je suis venu devant sa salle le lendemain jouer. Au moment du concert, je suis venu jouer pour l'artiste, pour Renaud en l'occurrence. Et du coup, quand j'ai expliqué ma démarche au public, ils ont été super solidaires. Et ça a super bien marché. De fait, je me suis dit, mais écoute, tu peux remplacer un petit bistrot, mettons, par une activité devant les files d'attente. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Il y avait beaucoup de dates de Renaud à l'époque. Et une bonne trentaine de dates en Lorraine. J'étais venu ici à Gérard, mais à l'époque, je me souviens jouer devant. Et du coup, du coup, j'ai développé pour les autres artistes aussi. Je fais ça pour un peu tout ce qui vient. Donc c'est quand même unique, hein. Moi, j'en ai vu qu'un jouer dans les files d'attente de concert, c'est Dany. Donc vous saurez, si vous attendez pour voir un artiste dans ces grandes salles du Grand Est, que vous voyez un artiste, allez le saluer, écoutez-le, allez échanger avec lui et acheter l'album. Je crois que c'est d'ailleurs le moment de nous quitter. Puisque dans quelques instants il y aura une émission qui va passer, qui a été programmée, donc je ne peux pas dépasser 17h, donc c'est pour ça que je prends un petit peu d'avance, juste le temps de vous redire que dans ce studio de Radio Gamozo à Saint-Étienne-Hermermont, il y avait aujourd'hui Dany Desrues et Grégory Paradisi. Allez sur internet pour les suivre. Ils ont chacun sorti un nouveau CD, Retrouver l'essentiel pour Greg. Et puis malheureusement on n'entendra pas le titre, c'est dommage, mais vous procurerez l'album. Le titre qui donne le nom de celui de Dany, c'est La douleur des baies. Et il vous a expliqué tout à l'heure pourquoi, il y a une histoire bien évidemment derrière. Achetez les albums et allez les voir en concert. On a dit quand, vous le savez maintenant, c'est à Gérard May. Donc vous ne pouvez pas les louper, demain vendredi 23 août. Alors on se dit au revoir. Salut, à très bientôt. Salut Mika, merci pour l'invitation. À bientôt, ciao.